Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 24. Avant de commencer, bien évidemment, je fais les rappels coutumiers. Hein. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratieparticipative en un seul mot, @mail.ru. Il n'y a pas d'accent, évidemment, sur démocratie. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, n'oubliez jamais de vous abonner à notre chaîne, juste en dessous, vous recevez les alertes et les annonces des nouvelles émissions. Suivez-nous sur la page Facebook aussi, vous avez nos derniers articles et les dernières émissions également. Et enfin, notre site internet, démocratieparticipative.biz, B-I-Z. Il n'y a pas d'accent non plus entre démocratie et participative. Je continue à faire appel, j'ai reçu des propositions, j'ai répondu à quelques-unes d'ailleurs. Je vous invite, ceux qui nous écoutent, qui voudraient rédiger des articles pour notre site internet, d'actualité, même des petites brèves, hein, c'est indifférent. Vous pouvez nous envoyer votre candidature, en quelque sorte, à cette adresse. Alors, je présente les membres de la semaine. Je commence avec Derek. Salut, Derek. Salut, Gonald. Comment vas-tu, Derek? Moyennement, écoute. Hein, cette saison d'été, là, dans laquelle prospèrent les nègres et les touristes, ne me plaît pas plus que ça. Ce n'est pas ta saison favorite, peut-être? Non, loin de là, loin de là. Loin de là. J'enchaîne avec, bien évidemment, Fulbert. Comment vas-tu, Fulbert? Ah, Fulbert va bien. Bonjour, Gandalf. Bonjour à tout le monde. Par ce temps chaud? Ah, ça refroidit. Hein. Ça va quand même un petit peu mieux. Enfin, pour moi, ça va mieux. D'accord. T'as pas eu trop de problèmes dans ta cave? Pas trop de nègres qui ont suffoqué? Non, ça va? Non, mais je me cache presque dans les bois. Hein. Eux, ils n'y vont pas dans les bois, ils restent en ville, hein. Ils sont des urbains. D'accord. Argyle nous rejoint pour cette émission. Salut Argyle. Salut tout le monde, toujours ravi de vous retrouver. Et j'ai la pêche en cette fin de Ramadan, j'ai vraiment la pêche. Oui, comme nos amis maghrébins et africains, voilà, je suis prêt à nuire comme eux. Salut Hopman, Captain America qui est avec nous aussi pour cette émission. Salut Gandalf, salut les amis, salut les auditeurs. Bon, j'espère que vous êtes prêts hein, pour une fin de Ramadan explosive. Il y a pas mal de choses à raconter. C'est vrai, l'émission est assez riche, je trouve que le programme est intéressant. Nos auditeurs auront l'occasion d'en juger par eux-mêmes. MacDav aussi est avec nous pour cette émission, salut MacDav. Salut à tous. Bah écoute, vivement l'arrivée d'une nouvelle ère glaciaire, ce serait sympathique. Winter is coming, les nègres s'en vont en Afrique, ce serait sympa. C'est vrai. Alors, nous rejoindra en cours d'émission Porovitch, normalement. Il y aura peut-être d'autres invités surprises, je ne sais pas. Des fois, il y a des invités surprises. Alors, bon, je vous propose de commencer cette émission Avant, il y a un petit débrief, ceci étant dit. Suite à l'émission de la semaine dernière qui a parlé de Paris, on a fait une petite immersion assez rapide dans la capitale française. J'ai eu des réactions. Pas mal de commentaires. Oui, il y a eu pas mal de commentaires et on est écouté, vous allez le voir, même dans les lieux dont on a parlé la semaine dernière. Alors, je cite d'abord Ferdinand Bardamu sur le qui a réagi donc sur notre site internet en bas de l'émission. Alors, le pire danger à Paris est dans les hôpitaux. À l'époque, on avait même un cas d'Ebola à l'hôpital de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Les cas d'infection nosocomiale ont explosé dans les centres médicaux et hospitaliers, à éviter absolument à Paname et dans les grosses villes à concentration de migrants. Bon conseil pratique, chers amis, hein. Évitez de vous faire hospitaliser dans les grosses métropoles françaises de peur d'attraper l'Ebola, la malaria. Je préciserai éviter les grosses villes à concentration d'Africains en général, parce que c'est pas besoin que ce soit des migrants, quoi, des Maliens qui font le trajet toutes les vacances, quoi. Ils vont passer 2 mois là-bas, des Maliens, des Congolais, ils reviennent avec toutes les saloperies de là-bas, quoi, la gale, la tuberculose, tout ce qui s'ensuit. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ouais, surtout, le beaucoup la gale. Éviter de lécher les barres, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis, il faut faire attention en allant à l'hôpital de ne pas tomber dans les mains d'un marabout habillé en blanc et qui va s'occuper de vous. Ah ça, oui. Alors, les gens vont rigoler, mais on en a parlé il y a 2 émissions ou 3 émissions avec un pseudo-psychiatre qui, en fait, était un Congolais qui s'était fait passer avec des faux diplômes pour un psychiatre. Et roumain. Ouais, pour un psychiatre roumain, précisons-le. Et il avait été pris par le personnel d'un établissement en Normandie. Hein, un établissement hospitalier, quand même, précisons-le. Parce que ceux qui nous écoutent pourraient dire on exagère, on est dans la caricature. Non, c'est absolument vrai. Aussi délirant que ça puisse paraître. Alors, deuxième réaction, cette fois-ci, de David. Alors, David, lui, travaille à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et donc, il connaît la partie. On a parlé de l'aéroport en question. Et justement, je vais corriger un truc que j'ai dit, j'ai pas été assez précis la dernière fois. Mais je le cite. Alors, je bosse à Charles de Gaulle, chez Air France. Enfin, Air France, c'est vite dit. Effectivement, il y a énormément de discrimination à l'embauche à Roissy, mais de discrimination inversée. Attention, ça fait mal. Le touriste qui pose les pieds sur le sol français, entre guillemets, je suis pas sûr qu'il sache où il a vraiment posé les panards. Les galeries bagages, la sûreté, tout est contrôlé par les wahhabos salafistes. Alors, pour l'instant, ils sont calmes. Ils bossent, payent leurs impôts, se tapent les transports en commun, comme la plupart des gens. Mais le jour où le pouvoir changera de camp, va falloir s'attendre de leur part à autant de tolérance et d'idéologie droit de l'hommiste. Faudra pas s'attendre à autant de tolérance, vous aurez corrigé de vous-même. Là, ça va être à la machette archaïque. Bref, Roissy, Islamabad. C'est vraiment violent niveau multiculturalisme. Alors là, il corrige, il dit « On ne paye pas à Charles de Gaulle pour aller pisser, pas de dame pipi, mais des entreprises de nettoyage sous-traitées par Aéroport de Paris. » Alors. Je précise effectivement le petit truc, c'est qu'effectivement, j'y ai repensé, parce que des gens m'ont fait observer qu'il n'y avait pas de dame pipi. En fait, le truc, c'est un peu trompeur, c'est qu'en fait, effectivement, dans l'enceinte à proprement parler, de l'aéroport, la partie embarquement aéroport, et effectivement, les toilettes sont accessibles gratuitement. Mais en fait, quand vous allez dans l'aérogare, c'est quand vous arrivez dans la partie SNCF de Roissy-Charles de Gaulle, là, en fait, effectivement, c'est plus les mêmes entreprises, je présume, qui gèrent ça. Et là, il y a bel et bien une dame pipi. Enfin non, comme j'avais précisé, un mètre cube de graisse congolaise qui déborde et qui vous regarde avec des yeux, comme je l'avais aussi dit, de cannibale. Voilà. Donc, je corrige, ce n'est pas dans l'enceinte de l'aéroport, c'est à l'entrée des toilettes de la SNCF à Roissy-Charles de Gaulle. Personne ne veut rajouter quelque chose là-dessus? Non, je pense que c'est bon. Oh, ça va. Alors, il y a Georges Cloné. Alors, c'est un jeu de mots avec Clooney et Cloné. Ça, c'est la dernière réaction. Ensuite, on passe à la première rubrique. Hein. Ah, je vois que l'ouverture de cette mosquée berlinoise chiito-alaouite réservée aux trans et aux autres invertis semble vous surprendre. On avait parlé de l'ouverture de la mosquée en question dont ce commentateur fait état à Berlin, hein, pour ceux qui ont écouté la dernière émission. Il semble que vous n'ayez pas encore entendu parler des transsexuels et travelots iraniens. L'Iran chiite, présenté par bon nombre de musulmans et d'islamophiles, Salim Laibi et Marc-Edouard Nab en tête, comme un véritable bastion de la résistance à l'impérialisme et à la décadence de l'Occident, abrite en effet une importante communauté transsexuelle qui bénéficie de nombreux droits et avantages, grâce notamment à une fatwa autorisant les opérations de changement de sexe qui fut promulguée au tout début des années 80 par le célèbre Ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran et idole de notre cher Ali Surat et de ses comparses d'ER. Certains quartiers de Téhéran, comme ceux de certaines villes européennes abritant des musulmans chiites provenant d'Iran, d'Afghanistan ou du Pakistan, ressemblent à s'y méprendre aux allées du bois de Boulogne ou encore aux plages de Rio de Janeiro un soir de carnaval. Alors, c'est vrai que j'ai entendu parler de ces histoires de changement de sexe en Iran. J'ai su que c'était cautionné apparemment par la législation islamique, chiite. Mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Alors je me suis dit, il fallait effectivement le souligner. Alors j'ai vu en plus, et ça c'est pas plus tard que cette semaine, que pour la première fois au Pakistan, on venait de d'émettre un passeport où le sexe est mixte. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. un travelot a eu son passeport mixte, au genre neutre. Donc, c'est vous dire que même dans des pays où littéralement Al-Qaïda agit à ciel ouvert, hein, vous avez des trans qui reçoivent leur passeport. Enfin, c'est aller. Enfin, bon, petite digression, mais bon. Quelqu'un veut réagir là-dessus ou on enchaîne avec notre rubrique numéro 1, autisme radical? Ben, les travelots iraniens, c'est assez connu, quoi. Il y a l'équipe de football féminine. D'Iran, enfin, faut, voilà, vous tapez dans Google, vous allez voir, c'est rigolo. Ah oui, c'est vrai cette histoire, oui, que c'était des mecs qui jouaient dans l'équipe. Oui, ça y est, je m'en souviens maintenant de cette histoire, c'est vrai, t'as raison, Derek. Ah bon ? Ah, j'ignorais totalement cette histoire. Ah non, mais si, non, mais en gros, ils ont les savants, les ayatollahs, si tu veux, on définit que. Parfois, ouais, les travelots, c'était bien des gonzesses. Quoi. Donc, salut. Alors, l'homosexualité est punie, mais vu que c'est plus des hommes, tu vois, voilà. Oh là là. Ah, c'est subtilité sémitique. Alors, c'est pas des sémites, les Perses, mais alors, ils ont visiblement des atomes crochus, c'est le bon terme d'ailleurs, avec d'autres peuplades. Hein. Oh là là. Bon, bah, je vous propose d'enchaîner avec notre rubrique numéro 1, autisme radical. Sujet numéro 1, bah, ça va faire très bien l'enchaînement, la transition. Des WC mixtes au congrès de l'Association des bibliothécaires de France pour visibiliser les publics LGBT. Alors accrochez-vous parce que là, c'était aux États-Unis il y a même pas un an. Ça y est, c'est bon, ça y est, la campagne de terreur commence. Alors, je vais vous guider dans un texte écrit donc à l'occasion de cet événement. Vous allez voir que ça progresse. Alors, les participants du 63e congrès de l'Association des bibliothécaires de France, organisé ce week-end à Paris, se sont probablement arrêtés sur le chemin des commodités, devant un panneau assez inhabituel, une invitation à la mixité dans les toilettes publiques, mais surtout une invitation à évoquer le sujet de l'accueil des publics LGBT en bibliothèque par la commission Légothèque de l'ABF. Bon. Créée en 2012, la commission Légothèque était au départ un groupe de travail avant de devenir une commission au sein de l'Association des bibliothécaires de France, preuve de l'importance des sujets abordés pour les professionnels. Je cite, « Son objet est de travailler sur le lien entre les bibliothèques, la construction de soi et la lutte contre les stéréotypes avec trois axes particuliers. L'interculturalité, les questions de genre et d'égalité entre les sexes et l'orientation sentimentale et sexuelle, nous explique Camille Hubert qui travaille à la bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal. Ces thèmes sont abordés selon différents angles par la commission, des collections au bâtiment, en passant par les animations et les services. Alors je vous passe un petit peu tout ça, c'est un peu du jargon, mais là on en vient en fait à la mesure directe en fait, du truc. C'est qu'en fait, ils ont mis un panneau d'affichage et ils ont rendu les toilettes mixtes, en fait, pendant l'événement. Enfin, mixtes. Vous allez voir. Alors, pourquoi ces toilettes mixtes ? L'idée n'est pas de mettre des toilettes mixtes partout, car les bâtiments ne permettent pas toujours de le faire, tout simplement. Explique Camille Hubert. Cette idée des toilettes mixtes vient d'une initiative américaine en bibliothèque pour que l'accueil soit le même pour tous, peu importe son identité. Nous mettons en avant le concept d'inclusion en nous focalisant sur les besoins particuliers de certaines typologie de public. C'est important dans la construction de soi pour un jeune homo, trans ou lesbienne de retrouver à la bibliothèque de l'information documentaire pertinente, non stéréotypée et de la fiction, des livres, des films qui sont un support d'identification important quand la société met en avant des modèles hétéronormés. Alors, hétéronormé, ça veut dire dont l'hétérosexualité est la norme, ok ? Alors, du coup, bon, bah, pour, j'allais dire, joindre le geste à la parole, ils ont fait cet affichage, rendant en fait les toilettes pour hommes et pour femmes, en fait, ils ont aboli le caractère, séparé des toilettes, et c'était ouvert à tous pour pouvoir inclure les LGBT. Alors, les LGBT, dont les transsexuels, donc en fait, voilà, maintenant... Le grand combat, un des grands combats de l'avant-garde progressiste, ça va consister en fait à permettre à des travelots d'aller probablement reluquer des femmes dans les toilettes pour femmes, voilà. Alors, est-ce que ça vous inspire cette initiative là de l'Association des bibliothécaires de France? Qui veut prendre la parole là-dessus? Bah, je me demande s'ils sont déjà allés dans un bistrot de campagne où là-bas les toilettes turques dehors sont mixtes hein, aussi. Hein, donc c'est bon, voilà, ils ont l'impression d'inventer un concept absolument inimaginable. Mais voilà, comme tu le dis, il y a au fond du truc avec tout le jargon, avec tout l'emballage socio-psychologique. Au bout du compte, en fait, t'as raison, t'as terminé par là. Le but, c'est que pour des dégénérés, des tarés, aillent mater les nanas ou les mecs en train de pisser. C'est ça le but du jeu, le but ultime du truc, c'est bien ça. C'est que pour des tarés, des dégénérés, des gens qui ont une sexualité complètement anormale parce qu'ils sont, ce sont des malades mentaux, et bien comme ça, ils vont pouvoir aller dans les chiottes pour se branler ou pour lécher la pisse des gens ou un truc comme ça. Enfin, voilà, il y a un objectif absolument malsain au bout du compte, puisque, comme je disais, hein, les toilettes mixtes existent dans beaucoup de troquets, mais bon, c'est pas vraiment le genre d'endroit que doivent fréquenter ces gens-là. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de totalement malsain derrière ça, une sorte de voyeurisme immonde. De toute façon, il faut toujours s'attendre au pire avec cet arrêt. Alors, attendez, je vais vous donner un exemple, parce que donc il y avait un texte qui était plaqué sur les toilettes du centre où la conférence a eu lieu. Je vous donne un extrait. Alors, une façon de reconnaître les besoins des personnes trans est de désigner les toilettes mixtes, ce que nous avons mis en place lors de ce congrès. Même si on ne s'en rend pas compte, les personnes trans subissent le harcèlement aux toilettes. Peu importe les toilettes dans lesquelles, peu importe les toilettes dans lesquelles vous vous trouvez, merci de laisser chacun et chacune faire pipi en paix. Chacun et chacune d'entre nous peut décider quelle toilette nous voulons utiliser. Je ne raconte pas de conneries, hein, c'est vraiment affiché. Derek voulait réagir, ensuite je donne la parole à Captain. Non, juste, c'est ce qu'il y a eu aux États-Unis de la dernière année du mandat Obama, ça. Hein. Je crois qu'ils ont fait passer, il me semble, une loi d'ailleurs, hein, à ce propos. Donc, ça a été repoussé depuis Trump. Hein. Ouais, je sais pas dans quelle mesure, mais ouais, c'est. Ça arrive maintenant chez nous, bon, c'est à déplorer encore une fois. Juste petite connerie, hein, est-ce qu'ils vont mettre un de ces quatre pour la visibilité des hindous, des chiottes avec des trottoirs, je sais pas, par exemple, ce serait une idée. Captain. Ouais, en gros, t'es un mec, t'es blanc, t'es en train de pisser, et là tu vois... une espèce de truc qui ressemble à rien du tout, rentrer et puis se mettre te reluquer et compagnie, et puis tu le reluques, mais tu genre même pas, tu dis rien, peut-être, c'est déjà une agression. En fait, le truc, c'est que pour ces gens-là, le fait qu'il y ait des hommes et des femmes blancs hétérosexuels, donc des gens normaux, c'est déjà une agression. C'est ça, la normalité est une agression. Mais ouais, mais mettez-vous à la place d'une femme. Réfléchissez juste le truc. D'ailleurs, j'invite les auditrices. Les petites filles hein, qui se voient arriver. Oui, voilà. GG le travelot, tu vois. Voilà, mettons-nous dans ce truc-là. C'est-à-dire que vous avez votre fille. Elle a 12 ans, elle va aux toilettes. C'est dégénéré, on réussit à faire passer une législation comme ça. Parce que, attention, je veux dire, on en rigole là, mais vous allez voir que tôt ou tard, ça va être transformé en débat le plus sérieux du monde. Et ça va passer par l'Assemblée nationale, etc. Et le Macron, là, lui, je le sens bien mûr pour faire ce genre de stupidité. Alors, imaginez, votre gamine, elle est là, elle a 12 ans, voilà, je vais aux toilettes. Et là, effectivement, elle voit une espèce de vieux dégénéré de 55 ans déguisé en bonne femme qui dit, bah non, moi, je suis une femme, je vais dans les toilettes pour femmes. Et le mec, il sort son instrument et il se met, à la porte ouverte, à faire ce qu'il doit faire, et évidemment, comme le type doit être, bon, on s'entend, il va faire en sorte qu'on lui voit tout ce qu'il faut qu'il soit vu par des gamines de 12 ans. Un truc comme c'est... Un mec comme Jean-Paul Dupré, à peu près. C'est ça, tout à fait. Non, mais pour moi, ça confine à la légalisation de l'agression sexuelle, un truc comme ça. C'est exactement ça. C'est de permettre à des dégénérés d'agresser sexuellement des femmes ou des hommes, enfin surtout à mon avis des femmes, dans les toilettes, en fait. Il y a en France quand même une loi hein, qui criminalise le fait d'être de forcer sa propre nudité au regard des gens qui n'ont pas souhaité la voir. Hein. Ça s'appelle l'attentat à la pudeur, quoi. Mais là, ils ont tout simplement légalisé ça, quoi. Bah pas encore, c'est pas encore légalisé, mais en fait là, c'est un petit happening, mais qui dans s'est les passé mœurs, en fait. Enfin, disons, il y a pas la loi encore. Non, non, non, il n'y a pas la loi encore, mais il passe par une association qui me semblait assez respectable. Enfin, j'aurais jamais attendu ça d'une association comme ça. Enfin, l'association des bibliothécaires de France, excusez-moi. Genre, ça faisait pas très militant, quoi. Mais en fait, si, c'est-à-dire que c'est des lieux où il y a quand même beaucoup de... Bah, les bibliothèques, c'est quand même beaucoup lié au monde de l'éducation nationale, etc. Université, enseignement supérieur, et... ou, bon, évidemment, les bibliothèques municipales. Enfin, c'est quand même là où des gens viennent lire, se cultiver. Donc, en fait, si on attaque par là... On va toucher des gens en fait qui ont un certain niveau, enfin des couches plutôt supérieures de la population, et je présume que l'idée c'est d'infecter en fait les couches supérieures, de normaliser ce genre de truc, et c'est très pervers, très dangereux, très pernicieux et très calculé à mon avis. Mais c'est déjà le cas, hein. Il faut voir le taux de gauchisme qu'il y a par exemple dans les écoles de sciences politiques ou même d'autres, hein. C'est une catastrophe. Ah oui, la Sciences Po, ils sont totalement acquis à toutes ces théories délirantes qui viennent des campus américains. Hein, qui viennent des campus américains. Je tiens à rappeler que le directeur de Sciences Po Paris qu'on a retrouvé pendu, si j'ai pas de bêtises, c'était pas un pendu, des pires... Pas pendu, non, non, non. Ah non. On l'a retrouvé mort, c'est tout. Au cours d'une orgie sexuelle, sûrement l'anus éclaté. Ils n'ont pas donné des détails, mais ça devait être mignon. Ouais, voilà. Le cul à l'air, le nez dans la mort. Il était mort et c'était une grosse sodomite de merde. Et à New York, en plus. Il est pas mort, en fait. Ah oui. Dans un hôtel. Il est mort dans un hôtel à New York. Il était camé, je crois, sinon. Ouais. Ah oui, il y a qu'à regarder certaines de ses vidéos. Vous avez regardé certaines de ses vidéos, c'est une publicité pour Drogue Info Service. Il est dans un état, mais alors, c'est effrayant, quoi. C'est une caricature de camé. Même Soral, à côté, il paraît sobre. Ouais, enfin, lui, c'est plutôt cocaïne, hein. C'est pas la pédophilie. Mais vous pouvez nous rappeler le nom du monsieur ? Oh, Richard Descoings. D'accord. Richard Descoings. Lui qui était un grand promoteur de la dégénérescence et qui était bah, qui appartenait à cette mouvance, quoi, mouvance de la gauche américaine dont on a parlé et qui fait des émules, quoi. Donc malheureusement, nos auditeurs, je pense que là vous avez les premiers signes d'un truc d'une nouvelle étape dans la dégénérescence qui risque d'être très très très mise en avant par les médias. Au début, c'est quelques allumés. Hein. Si vous avez ça en mémoire, vous auriez parlé il y a 20 ans, du mariage des homosexuels, c'est-à-dire des sodomites, en France, tout le monde vous aurait rigolé au nez. Il y a 20 ans. Pas il y a 50 ans, il y a 20 ans. Et en réalité, même il y a 10 ans. C'était déjà sur le menu, hein, il y a 10 ans, mais il a fallu attendre François Hollande pour que ça devienne possible, et encore dans les conditions qu'on a vues, quoi. Donc, ils poussent, et voilà, donc les travelots devant vos gamines de 10 ans, voilà, dans les toilettes. Non, mais moi, personnellement, rien ne m'étonne, puisque on fréquente un petit peu les bibliothèques, et c'est un peu la concentration de toute la chiasse contemporaine. C'est-à-dire que je vois, en fait, les bibliothécaires, entre guillemets, qui sont soit des PD, soit des bonnes femmes ménopausées, oui. Totalement gauchiste, et le plaisir de ces femmes, c'est de faire venir des immigrés. Elles font visiter la bibliothèque, en fait, hein. Elles font visiter la bibliothèque à des migrants. Et je le vois très fréquemment. Non, mais tu sais, avec l'espèce de silence un peu feutré qu'il y a dans les bibliothèques, tu vois, puis tu vois toujours les deux pimpins derrière leur bureau à l'entrée, là ils sont derrière leurs petits ordinateurs, etc. Et ils sont objectivement payés à rien foutre, hein, les bibliothécaires. C'est une planque absolument hallucinante, bibliothécaire. Bibliothécaire public, quoi. Hein, université, fac, ou bien lycée, etc. Ah oui, je suis tout à fait d'accord sur ce que disait aussi MacDave. Ouais. Souvent, les documentalistes sont des gauchistes les plus dégénérés en puissance. Déjà, il n'y a qu'à voir, en fait, toutes les affiches. Qu'il peut y avoir pour des événements, c'est que des trucs pour les migrants, pour les PD, pour... mais c'est là que tu vois, quand vous arrivez dans une bibliothèque, qu'elle soit universitaire ou même d'un lycée, c'est là que vous avez toutes les affiches annonçant des trucs de dégénérescence, des numéros de téléphone pour les gamins qui se sentent PD, ce genre de choses, des trucs pro-migrants, comme disait MacDuff, faire visiter son CDI à des migrants, enfin c'est vraiment leur truc, c'est vraiment là qu'on a en général... Quand on a quelqu'un, un intervenant, c'est toujours les documentalistes qui les font venir dans les lycées ou dans les universités, des intervenants qui viennent pour dire que voilà, c'est formidable d'être PD, ou que l'immigration c'est génial. Enfin, ils sont vraiment en pointe pour tout ce qui est la pollution des esprits des gamins, Et là-dedans, c'est vraiment eux qui sont en première ligne et qui adorent ça. Comme le disait McDav, c'est soit les PD, si c'est des mecs, ou soit, parce que c'est vraiment souvent les mecs qui sont dans les bibliothèques, ce sont des PD, enfin, qui sont à la tête des centres de documentation. Et sinon, ce sont des nanas, mais immondes, souvent, soit de la viande pour Africains, ou alors de la bonne nana ménopausée, aigrie de tout, et qui a la haine totale de l'homme blanc. C'est vraiment, en général, des gens, mais des plus pourris. Ah, ça donne envie. Sujet numéro 2, les amis. Des retraités de l'éducation nationale voient leur paradis détruit par un camp de Rome. Oh. Oh. Alors, je vous lis... Justice karmique. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Alors, je vous lis cet article magnifique du Midi Libre qui m'a fait voyager. Ça m'a fait du bien à l'âme. Alors... Face au Zénith Sud de Montpellier, le quotidien des résidents vire au cauchemar depuis quelques années, témoignage. Le courrier a été adressé il y a quelques jours à la mairie, laquelle l'a transmis à la CERM, la société en charge de l'aménagement urbain. Dans la missive, Michel et Jean-Pierre Clouscar, voisins du camp de Rome situé face au Zénith Sud, expriment leur désarroi face à une situation qu'ils estiment figée depuis des années et qui les amène aujourd'hui à prendre une décision radicale. L'article les cite. Dans notre lettre, nous proposons à la ville de racheter notre domaine du grand gré, comprenant notre maison et notre terrain. Ce n'est plus possible de rester ici, nous avons décidé d'aller vivre ailleurs. C'est devenu invivable et c'est de pire en pire, explique Jean-Pierre Clouscar. Le couple préfère jeter l'éponge face à la difficile cohabitation qu'ils subissent depuis l'installation il y a plus de 5 ans, entre Noël et le jour de l'an, à 150 mètres de notre domicile, du camp de la communauté Rome. Là, l'article les cite encore. Depuis l'apparition de ce camp, que l'on nous annonçait provisoire, nous subissons de tout. La pollution de l'air avec le brûlage de matières toxiques, notamment des câbles. La prolifération de rats du fait du manque d'hygiène. La pollution des nappes phréatiques avec les vidanges à même la terre des véhicules. La destruction de ceps dans nos vignes pour faire du feu. L'agression de notre chien, les vols et j'en passe. Le couple a recensé dans un document, photo à l'appui, tous les épisodes de cette difficile cohabitation avec une partie de personnes de la communauté venues d'Europe de l'Est. Il a saisi toutes les autorités possibles, à commencer par la ville et la préfecture. Ils ont multiplié les plaintes auprès du commissariat. L'article les cite encore. Rien n'y fait, les choses n'ont jamais évolué. Je ne comprends pas que rien ne soit fait, d'autant que la gendarmerie est au courant des trafics qui s'y passent. Lâche, désabusé, Michel et Jean-Pierre Clouscar. Ils préfèrent donc partir, vendre la maison et ses 10 hectares de terrain et de vignes, à cheval entre les communes de Montpellier et de Moguillo. Tout cela appartenait à mon grand-père, ancien journalier agricole qui avait acheté cet ancien mazet il y a très longtemps. Glisse amer, le professeur d'université à la retraite, ancien expert auprès des tribunaux. Alors je continue, ils cèdent donc. Comme d'autres avant eux, à l'image de Raymond Villani, voisin direct du camp de Rome qui a préféré partir lui aussi, fin décembre dernier, j'ai vendu mon terrain de 16 330 m² à Bercy, qu'il a revendu à la métropole. Je n'ai gardé que 2000 m², raconte-t-il. Il y habitait depuis 37 ans, on est 4 à habiter autour de ce camp, on vivait ici comme au paradis, aujourd'hui on est en enfer, ajoute-t-il, solennel. Le couple Clouscar observe la mort dans l'âme, le corps gros, cette évolution. L'article est cite, on n'expulse pas les gens qui vivent dans ce camp, on expulse quelque part ceux qui habitent autour. Et c'est ça qui est dur à vivre. Il ajoute, comme rappelé dans sa missive à la ville, « Notre vie de retraité est devenue impossible. L'endroit paradisiaque qui était notre maison de famille, dont nous représentons la cinquième génération, dans laquelle il y a 35 ans nous avons mis nos économies pour vivre une fin d'activité et une retraite paisible, s'est transformé en un cauchemar permanent et en un puits sans fond de dépenses afin de réparer les divers dégâts causés. » Alors, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Qui veut réagir sur ces profs d'université? Enfin, ce prof d'université, probablement sa femme. Bien fait pour sa gueule. Bien fait pour sa gueule. Justice divine, voilà, juste rétribution. Voilà, mais c'est beaucoup de mal aussi avoir de la compassion, je sais pas pourquoi. C'est calme, On va commencer pas tous en même temps, on va commencer avec Derek. Vas-y Derek, dis-moi ce que t'en penses de tout ça. Ouais, non, mais c'est quand même bien que le hasard fasse que quand tu craches en l'air, quoi, ça te retombe un petit peu sur la gueule. Bon, là, ils ont eu du bol, quoi, ça leur tombe en plein dessus. Et c'est très bien. Bon, par contre, je sais, il y a d'abord le voisinage hein, qui est pas retraité de l'éducation nationale et qui lui aussi, malheureusement, est dehors son quotidien pourri hein, partout, toute cette faune. Hein. C'est étonnant que dès que tu as des Roms, effectivement, ils disent tiens, tu as les rats qui arrivent et des câbles brûlés. Hein, ça se demande pourquoi. Alors, les vidanges. Les vols, etc. Alors, il y a une petite anecdote, hein. J'ai quand même envie de vous la livrer, je crois. Non, autant pour moi. Il y avait des détails qui étaient donnés sur, ce qui leur était arrivé. Ils se sont notamment fait piquer, dévaliser leur cave à vin. Agressé, le chien agressé, ça c'est quand même pas mal. Hein. Ah oui, le chien devait aboyer quand il venait essayer de piquer des trucs. Donc, ils ont peut-être essayé de lui donner de la mort au rat ou de le tabasser avec des bâtons, enfin, j'imagine, quoi. Enfin... On va aborder la question sous plusieurs axes, mais le premier, c'est les Roms. Disons qu'on va laisser de côté un peu les retraités. Alors les Roms, je ne sais pas si beaucoup de gens les connaissent et connaissent leur camp, mais les vrais Roms qui viennent directement de Slovaquie, qui viennent directement de Roumanie. Enfin, je ne sais pas si certains ont eu l'occasion de voir ces camps-là installés près de chez eux, et d'interagir avec eux, ou de les voir, ou de les observer, ils sont différents hein, de gitans qui sont installés en France depuis beaucoup plus longtemps, pour diverses raisons, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'est vraiment caricatural. Ces gens sont... Enfin, pour moi, c'est juste... c'est pas possible, quoi. Hein, c'est vraiment pas possible. Bah, et donc, le Rome, c'est le... Excuse-moi de te couper, c'est le gitan alpha en fait, parce que tu dis qu'ils sont différents. Oui, les autres, ils vivent chez nous depuis bien plus longtemps, mais en fait, ils sont différents pas tant que ça, hein, parce que ça reste des putains de nomades. Et moi, je vois des mecs dans ma ville, les mecs qui travaillaient, ils faisaient de l'argent légalement et compagnie, et pourtant, les mecs, ça n'empêchait pas qu'ils avaient des réseaux de vol à plus savoir quoi en faire. Le mec, il te propose des ordinateurs qui sont tombés du camion de chez Auchan, bon, tu dis, mec... je sais pas, t'es marchand de je sais pas quoi et t'as encore besoin de tremper là-dedans. Et le truc, c'est que, moi ça me fait rire, parce que finalement, que ce soit les nôtres, que ce soit ceux des pays de l'Est, c'est la même chose. Il y a vraiment quelque chose de culturellement atavique, quoi. Et, mais c'est vrai que le Rome, c'est le gitan alpha, en fait, tu vois. C'est, tu peux pas culturellement, faire... ou il y a quand même quelque chose de racial. Oui, racialement. Oui. Mais oui, mais enfin, disons que là, c'est la souche la plus pure, entre guillemets. Et il n'y a pas eu, je veux dire, parce qu'il y a eu, enfin, les gitans installés depuis plus longtemps en France, en fait, se sont un petit peu mélangés. Bon, ils ont quand même un petit peu, certains si, hein, certains se sont mélangés, si, je peux te l'assurer. Et ceux-là, eux, non, alors ceux-là, ce qu'on voit là, c'est vraiment du tzigane. Hein. Donc, imaginez, on plante une colonie de tziganes, parce que c'est la politique de l'État français, c'est ce qui est dit dans l'article, hein, depuis 5 ans, ils sont installés depuis 5 ans, il y a une colonie de tziganes, là, au sud de Montpellier, et puis vous êtes là, tout d'un coup, l'enfer, quoi, l'enfer. Alors, deuxième point, c'est, en fait, ça c'est le côté, enfin moi c'est ce que j'ai apprécié, c'est de voir un prof d'université, donc les profs d'université ont des revenus tout à fait conséquents, hein, ce sont des gens qui sont vraiment très à l'aise. Alors, je présume que ce prof d'université, très probablement, il est en retraite. Ces 40 dernières années, a dû, je présume, voter dans un sens assez clair, et certainement pas pour le Front National, on est d'accord. Je présume aussi que s'il ne s'était pas pris une colonie de gitans sur le coin de la gueule, il se serait peut-être retrouvé parmi des signataires et des grandes consciences, peut-être aux côtés des bibliothécaires d'ailleurs, pour prendre la défense des Roms maltraités par les politiques fascistes menées en Europe contre eux, je présume, quoi. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir d'abord les retraités, donc je pense qu'ils sont dans la catégorie baby-boomer, donc 68-ards. 68-ards qui fait une super carrière dans le public, dans l'éducation nationale. En tant qu'universitaire, il accumule une très belle épargne. Il y a la maison de famille qu'il a peut-être rénovée toutes ces dernières années, ces dernières décennies. Et il se disait, là, je vais être au soleil, au sud, tranquille. Le monde peut s'écrouler autour d'eux. Ça ne les empêcherait pas de donner des leçons à Pierre, Paul et Jacques. Et là, vlan, la colonie de gitans sur le coin de la face. Eh bien, moi, je trouve que ça, c'est jubilatoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça jubilatoire. Bien entendu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens peuvent se permettre de voter pour des fils de pute finis comme Hollande, Macron et compagnie. C'est parce qu'ils n'ont jamais à supporter les conséquences de leur choix débile. C'est-à-dire que si demain on te disait « tu votes pour ça, d'accord, mais avec ton vote, il y a ça, ça, ça et ça et ça que tu vas devoir supporter en fait, hein, d'accord ?» Ah, tu veux plus voter tout d'un coup. Tu veux voter Marine. Ah, d'accord. Ah, bon, c'est bizarre quand même. Hein. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, la démocratie, la République, c'est de la merde parce que les gens votent, font des choix politiques, n'en supportent pas les conséquences. Auparavant, à l'Antiquité, quand tu es en train de voter dans un Sénat, une Assemblée et compagnie, et que tu dis on part à la guerre, eh ben, y a de très fortes chances que tu sois un des mecs qui soit sur le terrain et que ta décision de partir à la guerre, tu vas la payer. Alors que là, bah non, bah écoutez, Marine Le Pen, c'est de la merde, le FN, c'est des racistes, vous êtes tous des racistes, il faut faire venir les gens. Ah mais merde, les gens, on les a fait venir, c'est quand même des vandales, c'est quand même dégueulasse. Bien fait pour ta gueule. Oui, c'est le débat éthique de conviction, éthique de responsabilité. Bon, bah là, on est dans la responsabilité, pour le coup. Argaël, est-ce que tu as envie de me parler un petit peu, là, de cette petite histoire? Ben, comme je le disais tout à l'heure, voilà, on a beaucoup de mal à avoir de la compassion pour ces gens-là qui représentent à peu près voilà, tout ce qu'on est, toutes ces saloperies qui ont fait la promotion d'une France laxiste, d'une France tolérante, d'une France envahie. Et là, parce que leur petit confort bourgeois est évidemment mis en péril par un camp de Rome, voilà, ils se mettent à geindre. Mais je ne suis même pas certain qu'ils soient encore conscients qu'il y a un rapport de cause à effet entre nos gouvernants et puis ça. Si, ils doivent se dire, mais pourquoi ils ne font rien? Parce qu'en fait, eux, ça ne les dérangerait pas plus que ça, que ces gens-là, que le camp soit renvoyé à 50 km de là. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Ils veulent uniquement préserver leur petit confort. Et je pense que dans leur carcan intellectuel indécrottable, à aucun moment, parce que de toute façon leur cause est perdue d'avance, à aucun moment ils ont dit il y en a marre de ces saloperies d'étrangers. Enfin, pour eux, ils doivent peut-être le penser tout au fond d'eux-mêmes, mais ils ne le mettront pas en avant en disant que voilà, c'est ces gens-là, c'est quasiment, enfin voilà, ils sont même plus sales que des bêtes, plus mauvais, plus cruels que des animaux. Mais voilà, il ne va pas mettre ça en avant en disant qu'il faut renvoyer toute cette pouillerie au fin fond de l'Europe de l'Est où là-bas ils savent s'en occuper. C'est sûr que ce type de personnes, même quand bien même ils ont une prise de conscience à la fin de leur vie, c'est fini. Ils n'ont plus le logiciel de pensée nécessaire pour devenir des résistants à l'invasion migratoire. Donc c'est l'exemple type de gars qui de Français qui s'aperçoivent que ah bah oui finalement on est envahi, ah oui c'est vrai qu'on est en guerre, c'est vrai que finalement c'est un peu le genre de bobo parisien gauchiste qui boit un coup en terrasse ou qui a quelqu'un de sa famille qui se fait exploser par un islamiste qui kamikaze, et puis après les proches se disent ah bah oui finalement on est en guerre, bah voilà ces gens-là on est envahi, effectivement du coup t'es envahi, et puis avec un peu de malchance tu te feras égorger par ces pourritures comme ton chien. Il y a un troisième point que je voulais aborder qui est présent dans cette histoire, c'est la réaction des pouvoirs publics, plus exactement l'absence de réaction des pouvoirs publics. Et là, je pense qu'il y a, vous savez, parce qu'on nous gave quand même matin, midi et soir avec l'histoire de l'état de droit, la République, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est une escroquerie complète. Et que nous sommes en vérité, et on n'a jamais cessé de l'être, mais ça se manifeste à l'occasion de cette histoire, c'est qu'on est dans un état de force permanent. Et on le voit, on le sait même aussi, pour des raisons personnelles. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des gendarmes qui me l'ont avoué sans même faire semblant. Ils m'ont dit, de toute façon, on ne fait de descente dans de camps de gitans que pour des affaires très importantes. Et ça nécessite tellement d'hommes que, ça reste l'exception. Donc là, on se rend compte qu'on peut être des parasites nomades qui se livrent à toutes les déprédations, et soudainement, la loi qui est sacralisée, en tout cas dans les médias, avec toujours ce recours, dans tout le personnel politique, préfectoral, administratif, chez les journalistes, espèce d'usage ronflant de la rhétorique légaliste et républicaine, hein, voilà, l'état de droit, hein. On se rend compte que c'est inopérant. Et là, j'ai envie de... J'en rigole, bien sûr, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le couple de retraités en question, bon, bah, ils ont peut-être été réglo toute leur vie, je vais aller dire, vis-à-vis du fisc et compagnie, mais ça ne compte absolument pour rien face à des parasites, pour la bonne et simple raison que les parasites en question sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus agressifs, et que l'État français capitule en réalité devant ces bandes, comme il capitule devant d'ailleurs les bandes de nègres, les bandes de crouilles, les islamistes, les criminels de toute nature. Et là, je trouve que c'est vraiment la manifestation de ça. Porovitch, tu veux parler, je te donne la parole. On peut faire la comparaison avec Calais, qui est une espèce d'énorme camp de Rome à ciel ouvert hein, aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'a fait l'État face à cette catastrophe quand même de très grande envergure? Là, on n'est plus dans un pâté de maison à la campagne avec 30 hommes, hein, c'est quand même à l'échelle d'une ville. Eh bien rien, rien du tout. Et il laisse pourrir la situation. Donc voilà, voilà l'état de droit, voilà, voilà ce qui arrive aux gens qui font confiance à l'État. Bon. Bah, mauvais oui, plan, c'est ça, c'est ça qui est marrant dans les réactions de l'article, c'est effectivement c'est la naïveté dont témoignent ces gens en disant on comprend pas, on expulse pas les gens qui devraient expulser et on se retrouve acculé. C'est marrant la naïveté quoi. Je veux dire, ça fait le lien avec ce que tu dis quoi. Je veux dire de faire confiance à l'État, les gens font confiance à l'État. Ouais. C'est le problème, c'est que je pense qu'on a affaire effectivement à des crasseux de profs. Moi, je crois qu'il faut les appeler les crasseux finalement parce que le logiciel c'est le même que celui d'un punk à chien ou d'un antifa ou d'un antifa. Et ces mecs-là de toute façon sont absolument imperméables à toute forme de responsabilité. Donc quand ils ont un problème, leur réflexe c'est d'aller voir maman. Et maman, bah, évidemment, c'est l'État. Donc, et ça c'est quelque chose de très très enraciné chez ces gens-là. Et moi je pense d'ailleurs que sûrement ce couple-là qui témoignait continue de voter à gauche. Et ils continueront de voter à gauche jusqu'au bout, malgré la déconvenue qui leur est arrivée. Parce que c'est structurel, ces gens-là sont absolument incapables de changer. Alors c'est là j'ai envie de rebondir sur un point, et après on passe au troisième sujet. C'est que justement, face à l'état de droit, ce qu'on appelle l'état de droit, et en fait qui est un truc complètement impersonnel, en plus c'est de la malhonnêteté intégrale, c'est vrai dans le on parlait de Dupré tout à l'heure là, le député maire socialiste, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a une justice qui est dysfonctionnelle, ou plus exactement qui fonctionne pour certains qui ne fonctionne pas pour d'autres, et c'est la même chose dans ce genre d'histoire. Et c'est là qu'en fait il faut retenir la leçon, c'est-à-dire que c'est avec une solidarité communautaire que l'on s'en sort en fait. C'est-à-dire que si des gens nous écoutent, mais se retrouvent dans la même situation, l'alternative, en fait, c'est de régler ça de façon communautaire. Alors, ça peut être la manière forte, il faut avoir des gens autour de soi, bien sûr, mais ça peut être aussi en allant directement voir les Roms. Parce qu'ils ont un fonctionnement très particulier, vous savez, les Roms, les communautés Roms fonctionnent avec... il y a une hiérarchie, c'est pas aussi bordélique qu'il y paraît, et donc il y a les anciens, et c'est les anciens qui contrôlent le camp, en fait. Donc, si vous êtes dans cette... Si vous avez la bonne... Enfin, si vous avez la vision claire et juste de la situation, que vous savez à qui vous avez affaire, vous allez vous adresser à eux d'une façon où ils vont vous comprendre. Parce que jamais les gendarmes ou quoi que ce soit ne pourront rien y faire. D'abord, ils ne voudront même pas agir, mais ensuite, ils ne pourront pas transformer des Roms en autre chose que des Roms. Donc, à ce moment-là, bah, peut-être qu'ils auraient dû... Ils auraient peut-être dû, je sais pas, entrer dans une discussion directe avec ces Roms, mais je pense que les Roms ont très vite compris à qui ils avaient affaire, et ils se sont dit bah, qu'ils allaient pouvoir s'amuser jovialement avec tout ce petit monde, et tirer sur la corde, tenter plus, quoi. Alors que, bah, finalement, s'ils avaient eu une bande de blancs, on va dire, une bande de blancs organisée au niveau du quartier, et que les types étaient arrivés... en force, en montrant que voilà, si le contrat n'était pas respecté, il y aurait des conséquences, y compris physiques. Bah, peut-être qu'ils n'auraient pas fait ça. Peut-être qu'il aurait peut-être fallu quelques tirs de fusil de chasse dans le tas pour que bah, déjà les pouvoirs publics interviennent, parce que en fait, les pouvoirs publics n'interviennent que quand il devient évident aux yeux de l'opinion publique que la force lui échappe. C'est la seule chose qui fait bouger les pouvoirs publics. Tant que sa faiblesse, son inefficacité peut être maquillée, l'État n'intervient pas, en fait. quand ça devient visible, parce qu'il y a un gros titre dans la presse, je sais pas, imaginez coup de feu entre des riverains d'un camp de Rome et des Roms, etc. Là, tout de suite, vous aurez eu des gardes mobiles qui arrivent, etc. Et très vite, le procureur, la préfecture, oui, les choses vont rentrer dans l'ordre, etc. On aurait bien évidemment interpellé les riverains qui auraient osé recourir à la force, mais enfin, le dossier aurait été réglé. Donc je pense qu'en fait, il faut retourner à une approche beaucoup plus saine de ces situations, parce que sinon, vous vous retrouvez acculé comme ces gens. C'est-à-dire que votre propriété privée n'est plus votre propriété, vous êtes viré chez vous, et voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ou pas ? Porovitch, ouais. Ouais, je voulais rajouter à ça, effectivement, il va falloir revenir à certains fondamentaux, c'est-à-dire une certaine forme de communautarisme, réapprendre à fonctionner avec vos voisins, hein, parce que si vous êtes isolé comme ces gens-là, que vous avez pour seul secours l'État, en fait, vous n'avez aucun secours. Et là, effectivement, vous êtes une proie pour ces bandes de Roms qui, eux, bon, sont ce qu'ils sont, mais arrivent à fonctionner en groupe. Donc il faut bien se mettre ça dans la tête. Je me souviens d'un exemple comme ça où des Maghrébins avaient été gênés aussi par des Roms. Bon, et ben ils sont pas cassés le cul. Hein. Oui, c'est à Marseille. Ils ont fini par foutre le feu au camp. Et effectivement, ben, ça a réglé la situation. Parce que de toute façon, évidemment, l'État n'a rien fait. Donc voilà. Ouais, oui, mais les Arabes étant gentils par nature, ils n'ont rien eu. Hein, l'État ne les a pas poursuivis, hein, parce qu'ils sont gentils. Hein, donc, Il faut bien voir que si vous êtes seul à faire usage de violence, là, effectivement, vous allez être traîné en justice, et les juges rouges vont vous saigner à mort. Mais si vous êtes 50, si vous êtes 40 ou 100, je ne sais pas, là, ils ne peuvent rien faire. C'est ça le problème. Le problème dans des coins là, des coins un petit peu paumés, donc là ils ont des hectares de vignes et tout. Bon, là, tu en revoisinage, ils sont une dizaine. 60 voire 70%, c'est des mecs de gauche. Qu'est-ce que tu veux faire? Dès que tu vas émettre l'idée d'un truc qui peut venir entacher leur décennie de moralité, de moraline, de merde, ben tu vas être l'ennemi à abattre. Donc, c'est, en l'état actuel, c'est des vœux pieux, c'est pas possible. Il y a des trucs faisables, franchement, c'est faisable. Autre exemple, au niveau de la Corse, on a bien vu comment ça s'est passé. L'État marche sur des œufs. Hein. Bon. Bref. Là-bas, c'est pas pareil. Communautarisez-vous, essayez de fonctionner en groupe. Vas-y, Captain. Ouais. Non, je veux juste dire, de toute façon, y a pas le choix. C'est soit tu fais ça, soit tu te démerdes, soit tu te fais pourrir ta vie, quoi. Puis à l'échelle du pays, c'est soit on se bouge, soit on disparaît. Donc à un moment, bon, voilà, quoi. Le choix bien est sûr, vite fait. Hein. Non, mais l'organisation à l'échelle au moins du voisinage, ça me paraît quand même un truc important. Faut commencer par le commencement, en quelque sorte. C'est bien là où c'est possible. C'est bien où c'est possible. Oui. Il y a des endroits, c'est possible. Nous, c'est tranquille. S'il y a un camp qui vient par chez moi, il n'y a pas de problème. Mais là-bas, vers Montpellier, c'est... Oui. Je crois que comment il s'appelait, là, le Fada, là, il avait fait des statues à l'effigie de Staline, là-bas, hein, avant de le crever. Hein. Donc, tu veux dire l'ancien président de région, là-bas? Oui. Donc, comment il s'appelait celui-là, Argyle, rappelle-toi. Georges Fraîche. Voilà, donc il faut voir un petit peu où tu mets les pieds, hein. On parle d'un coin bien particulier. Hein. Bah attends, oui, Montpellier, mais c'est bougnoulisé à mort, Montpellier. Oui, c'est ça. C'est quelque chose. Hein. Du bougnoul, du rhum, du gitan, enfin, c'est la France multiculturelle de demain. Oh là, ça fait envie, ouais. Bah, il disait on était au paradis, puis en fait, non, on n'est plus au paradis. Alors, rubrique numéro 2, chers amis. Alors ça a fait la une. Hein. Alors, rubrique numéro 2, bougnoulisme mental. C'est l'ouverture massive des bouches d'incendie par nos amis de la diversité, bien que ça n'a pas été souligné. Hein. On parlait des jeunes des quartiers, même Eugénie Bastier. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans les milieux... nationaliste. Je veux dire, la droite réactionnaire... dans les milieux nationalistes et identitaires, on prend Eugénie Bastier pour une espèce d'égérie... Enfin, certains, pas tout le monde non plus, quoi, mais certains la prennent pour une égérie, alors qu'en fait, enfin cette nénette, c'est une boursouflure. Alors la nénette a repris telle quelle l'expression jeune des quartiers. Jeune des quartiers, c'est un euphémisme d'extrême gauche, jeune des quartiers. C'est un truc, c'est invraisemblable. Et Eugénie Bastier, c'est le Figaro quand même. Hein. Donc le journal de la droite réactionnaire à la solde du capital. Hein. Bon, bref. Alors je vous lis l'article qui fait un petit peu le point sur cette belle semaine caniculaire où nos amis se sont fait plaisir. Alors, les ouvertures sauvages des bouches incendies inquiètent les autorités et les distributeurs d'eau. Le phénomène baptisé street pooling ne cesse de s'amplifier en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, provoquant un gâchis conséquent. Un millier d'ouvertures sauvages de bouches incendies ont été recensées à Paris et dans les trois départements de Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne depuis l'épisode de canicule dimanche. En conséquence, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, BSPP, qui a la charge de la capitale Paris et des trois départements de la Petite Couronne, a enregistré une embolie d'appels indus, a expliqué à l'AFP un de ses porte-paroles. La fermeture de ces bouches n'est pas du ressort de la BSPP, mais des mairies d'arrondissement ou de communes, a-t-il ajouté. Ces actes sont un problème pour les services de secours, ça encombre les lignes téléphoniques et ça crée une pénurie d'eau pour les interventions incendies. Il y a également un risque électrique en raison des geysers produits, si l'eau touche les lignes ou installations électriques notamment, ou en cas d'infiltration souterraine, et aussi un risque plus élevé d'aquaplaning ou de glissade, donc pour les véhicules. Hein. Les véhicules qui arrivent à forte, enfin peut-être pas à grande vitesse, mais à vitesse moyenne sur des flaques d'eau peuvent effectivement glisser. Les Hauts-de-France touchés à leur tour. En 4 semaines, depuis le 26 mai, 600 000 mètres cubes d'eau ont été gaspillés en Île-de-France, ajoute Veolia, ce qui représente donc 240 piscines olympiques. La région parisienne n'est pas la seule concernée. Sur la même période, 600 appareils ont été ouverts dans les Hauts-de-France, provoquant la perte de 100 000 mètres cubes d'eau, principalement à Lille, Roubaix et Tourcoing. Ça, c'est marrant, des endroits qui sont colonisés par les bougnoules et les nègres. C'est vraiment étonnant, ça. Veolia en appelle au civisme. Et à la responsabilité des usagers pour mettre fin aux ouvertures intempestives. Le maire de Seine-Saint-Denis, le maire de Saint-Denis, Laurent Russier, a également condamné fermement. Il a condamné fermement hein, les nombreuses ouvertures de bouches d'incendie dans sa commune, qualifiées dans un communiqué d'actes dangereux, inciviques et irresponsables. D'autant plus que cette pratique constitue un délit passible de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende, fait savoir la police nationale sur Twitter. Alors, on a parlé des Roms et de l'application des peines. Hein, voilà, 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Prenez vos carnets, notez les noms, ils vont être très nombreux à tomber. Alors, qui veut réagir là-dessus ? Alors, je pense qu'il y a quelque chose à dire, c'est que j'ai vu des images aujourd'hui hein, où on voulait nous faire culpabiliser, encore une fois, nous, blancs, hein, par rapport à l'eau. Et je rappelle aussi qu'on va nous bassiner dans les années à venir avec les pseudo-réfugiés climatiques. Hein. Alors, j'ai vu un petit dessin qui parlait de l'appropriation de l'eau. Hein. Oui, le mot appropriation, c'est très politiquement chargé, d'accord ? Donc, pendant qu'il va y avoir des officines, des blancs débiles et des non-blancs qui vont nous casser les noix avec ça, bah, qu'est-ce qu'on voit ? Bah, on voit des nègres et des boucaques qui gaspillent les ressources donc en eau qu'on a chez nous, d'accord ? Et après, ils vont dire quoi ? Oui, regardez, en Afrique, ils meurent de soif, ils n'ont pas d'eau, ils peuvent rien faire. Donnez-nous des sous. Voilà, donc faites-les venir parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas, pour qu'ils viennent, foutent le bordel chez nous remplacer et gaspiller la flotte. Donc en gros, une fois de plus, le problème de l'Afrique, c'est pas l'Afrique, le problème de l'Afrique, ce sont les nègres. Et les bougnoules, hein, précisons-le quand même. Oui, c'est surtout aussi que c'est le problème de la France et de l'Europe aussi. Hein. Effectivement, oui, effectivement. Porovic, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ? Ouais, je voulais en rajouter un petit peu par rapport à ce que dit Hoffman. C'est vrai qu'on a une époque formidable où on vient nous casser les couilles si on a le malheur de laisser couler l'eau du robinet pendant qu'on se brosse les dents. Et par contre, bah, les bambous là, ils te vident soit l'équivalent de, je sais plus, 6 piscines olympiques ou... Non, pas 6, tu rigoles. 240 piscines olympiques. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Et les mecs, c'est quoi les commentaires ? Oh bah, il faut bien qu'ils s'amusent, hein. Ouais, alors, là, oui, alors enculé. T'as raison. Alors, à Rennes, ça s'est passé aussi. Parce qu'en fait, là, il faut être. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on est en période de canicule. En France, les agriculteurs ont des consignes extrêmement strictes qui sont données par le gouvernement via les préfectures pour ne pas utiliser l'eau à telle heure, etc. Même pour les particuliers, vous ne pouvez pas utiliser l'eau pour votre jardin ou que sais-je. Enfin, il y a des conditions très strictes, etc. Et là, donc, vous avez les Français de souche, quoi, les Français qui sont là. Bon, les agriculteurs, une nouvelle fois, mais c'est triste parce que les agriculteurs, c'est vraiment, ils prennent vraiment tout sur la figure, quoi. Donc les types font des efforts, etc. D'accord, ok. Et ils allument leur poste de radio ou leur télé, quoi, ou leur smartphone, parce que maintenant il y a tout ça. Les types, ils voient quoi? Ils voient des putains de bamboulas, des bougnoules, etc., qui sont en train de remplir les rues de flotte, à tel point qu'il y a même des vidéos qui ont circulé sur Twitter où on voit des nègres qui sont allongés dans des rues d'Île-de-France. Sur la route. Oui, sur la route, en train de mimer la nage. En train de mimer la nage tellement qu'ils ont de l'eau. Enfin, ils sont allongés, quoi, sur la route. Mais il y a tellement d'eau, en fait, qu'ils miment la nage. C'est à ce point-là. Et les mecs se disent, mais c'est invraisemblable. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. Deuxième point. Le silence absolument extraordinaire des journaux, des médias en règle générale, des autorités, sur l'origine du problème. Parce qu'on parle de Lille, on parle de Roubaix, on parle de l'Île-de-France, on parlait de Rennes. Alors, de Rennes, je vais vous dire ce qui s'est passé à Rennes, et plus ou moins où ça s'est passé. Ça s'est passé dans le quartier de Maurepas. Maurepas, c'est un quartier musulman. C'est pas partout à Rennes. C'est pas comme ça dans la grande banlieue rennaise, un peu par hasard. Non, ce sont là où il y a des concentrations de nègres et de bougnoules. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens? Mais il se passe même pas le mot. Je veux dire, ils font ça naturellement. C'est ça qui est véritablement frappant. Il y a vraiment des déterminismes raciaux, quoi. Et les types le font. Et alors, la réaction de la mairie socialiste de Rennes, c'est... Alors, évidemment, en fait, ceux qui ont gueulé à Rennes, c'était les Blancs. C'est-à-dire que les Blancs qui vivaient dans les quelques Blancs qui survivaient dans ce quartier étaient évidemment scandalisés à la fois par le gaspillage, les nuisances engendrées. Et alors, ils ont demandé à la mairie de réagir. Et la mairie a réagi, effectivement. Et elle a dit, ça se passe bien, c'est plutôt convivial. Ils ont réagi comme ça. Ils ont dit, oui, c'est les jeunes, ils s'amusent, c'est plutôt convivial. Et donc, personne n'a eu les couilles de dire quelle était l'origine du problème, qui est une origine raciale une nouvelle fois, quoi. Et c'est flagrant. Qui veut rajouter quelque chose? Enfin, qui veut donner son mot là-dessus, sur cet épisode caniculaire? Ouais, moi, déjà le terme street pooling, c'est déjà biaisé. C'est, je pense que c'est un terme américain, mais tu sens quand même que les médias, en utilisant ce terme, ils sont très gentils, quoi. Ils sont limite concupiscents. J'ai presque envie de dire ça vient des États-Unis peut-être, tu vois, mais si ça vient des États-Unis, c'est peut-être parce que les nègres aux États-Unis font peut-être la même chose quelque part, tu vois. Oh. Ouais, enfin certainement, oui. Mais c'est quand même ouais, c'est je trouve les médias qui sont quand même assez gentils, quoi. On va se rafraîchir, c'est gentil. C'est bon enfant. Non, c'est juste terrible, hein. Suffit de voir. En fait, ça montre juste l'ensauvagement chronique du pays. Toutes les zones négrifiées et bougnoulisées sont des zones en voie d'ensauvagement total. C'est devant nos yeux, mais les journalistes ne veulent pas le voir. Bah, c'est comme dit Gandalf, hein, ça montre véritablement le déterminisme racial, parce que effectivement, les nègres qui jouent avec des bouches d'incendie qu'ils ont explosées pour se rafraîchir quand il fait chaud aux USA, c'est une image d'Épinal, hein, et ça fait longtemps que ça existe, quoi. En gros, c'est tu prends un pays blanc, tu y mets des nègres ou des boucaques, qu'est-ce que t'as? T'as le bordel. Ouais, en gros, ouais. Argyle. Oui, je voudrais juste, parce que voilà, tout était dit à peu près, hein, sur ce phénomène qui évidemment, à mon avis, vous voyez, dans une petite campagne bien blanche, si des gamins ou des ados décidaient d'ouvrir une bouche d'incendie, je sais pas pourquoi, mais je pense que les gendarmes débouleraient, les pompiers débouleraient, que les parents seraient sommés de rembourser les sommes. Enfin, voilà, comme vous dites tous, vu que ça se passe dans des endroits comme par hasard à forte population afro-maghrébine, on sort des pouvoirs publics qui sont pas très très pressés d'interpeller les délinquants qui se livrent à ces dégradations. Et autre truc qui est quand même assez amusant, bon, on l'a dit aussi, c'est le comment voilà qu'on va nous demander des restrictions absolument pas possibles pour l'eau au nom du respect de la planète, au nom de l'écologie, et que là, bon, ça passe ça passe comme une lettre à la poste. Alors je ne sais pas si vous avez eu vent aussi de ce type. Alors apparemment c'était un noir qui a essayé d'empêcher d'autres noirs d'ouvrir une bouche d'incendie. Et il s'est fait frapper, mais il est très grièvement blessé. Je ne sais même pas s'il n'est pas dans le coma, je ne sais plus exactement. Donc l'un qui était un peu plus, on va dire qu'il tenait peut-être, peut-être qu'il travaille, qu'il paye des impôts et qu'il tenait peut-être à ce que son, son lieu de vie ne soit pas dégradé. Parce que ça, en général, l'afro-maghrébin se fout complètement. C'est-à-dire que l'afro-maghrébin pisse et défèque dans son propre ascenseur et met en panne son propre ascenseur dans son propre HLM. C'est quelque chose que même les animaux ne font pas. C'est-à-dire qu'un animal, même dans son terrier, il essaie de le rendre à peu près propre. Enfin, il ne chie pas là où il dort. Quoi. Et par contre, l'afro-maghrébin, lui, détruit son propre environnement, même très proche. Donc il y en a un qui n'a pas voulu et il s'est fait exploser la gueule par ses congénères qui l'ont envoyé à l'hôpital. Il est très grièvement blessé. Donc c'est un peu con pour défendre une bouche d'incendie, mais ça donne un peu l'état d'esprit sauvage et tribal qui règne dans les zones de vivre ensemble. Oui, effectivement, oui, effectivement. Bon, chers amis, Derek, ah oui, Derek, tu voulais réagir aussi ? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Argyle. Les types là, qui font les ouvertures de bouche à incendie, ils se filment, ils mettent des vidéos partout sur les réseaux sociaux, donc ils sont identifiables. Je pense qu'il y a plus de chances que je bouffe un rat vivant que qu'il y en ait un qui soit condamné. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Oui, puis précisons aussi quand même qu'en pleine période de canicule, en fait, et les pompiers l'ont souligné, c'est-à-dire que ça peut véritablement tourner à la catastrophe. C'est-à-dire que de laisser la flotte filer comme ça, s'il y a un incendie, je ne sais pas, ils peuvent véritablement, je pense, vu que les capacités sont relativement importantes, donc ils arriveraient quand même à gérer le problème en l'état, mais c'est dire le niveau le fléau que représentent ces populations pour les blancs, bien évidemment, mais même ce qui est d'ailleurs assez comique, même pour elles-mêmes. Porovic, tu veux rajouter un truc ? Ouais, c'est le décalage entre le traitement des blancs et le traitement des halogènes. Nous, on nous met une pression psychologique absolument terrible. On en est rendu à mesurer l'écartement des genoux des mecs dans les bus. Et ça vise les blancs, évidemment. Et eux, ils peuvent faire vraiment n'importe quoi. Ils sont jamais, jamais emmerdés, quoi. C'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Totalement. Ah, Captain. Fulbert, oui. Oui, je voulais simplement faire remarquer que tout ce qui est décrit ici, depuis en fait le début de l'émission, c'est dû à une seule chose. Ce sont ces formidables lois antiracistes, qui combattent le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Tout vient de là, tout. Il n'y a pas une petite merde qui s'échappe. Tout vient de là. Ouais, ça participe, bien sûr. Captain ? Eh oui. Non, ça participe pas du tout. Si les autorités n'interviennent pas, c'est parce qu'elles ont peur d'être qu'on leur reproche le racisme. Si les blancs n'interviennent pas, c'est parce qu'ils ont peur d'être traités de racistes, etc., etc. On peut allonger la liste à l'infini, et ça vient de ces putains de lois. Il y a autre chose aussi, un petit peu dans le même ordre, qui se passe beaucoup en ce moment, c'est les squats de piscine, mais de résidence privée, évidemment. Alors soit c'est aussi c'est marrant, c'est toujours à voir avec l'eau en fait. Ça, c'est un peu comme en Afrique, dès qu'il y a un point d'eau en fait, t'as toute la faune africaine qui vient se concentrer au niveau du point, ça provoque des émeutes et tout ça. T'as des crocodiles, des zèbres, des babouins, toute la population d'Afrique. Mais là, ça manque de prédateurs hein, après des bouches d'incendie. Ah oui, mais faut réintroduire du prédateur, pourquoi pas, éventuellement. Des amibes. Bon, je vous propose de faire une pause musicale, les amis, et on se retrouve tout de suite après. À plus. À plus. Bonjour à tous. Salut les beaux. La Ziza, parce que je l'ai mis. Petite zone de non-droit au milieu du 9-3. Petit arabe enroulé d'un voile, va au Leader Price. Son mari aussi est là, il a une djellaba. Marine a raison, ils ne veulent pas s'intégrer ces gens-là. Ta couleur et tes mots, rien ne va. Je préférerais que tu vives là-bas. Va-t'en chez moi, si tu crois que ta vie est là. C'est un très gros problème pour moi. Ah, la giza, le cochon, le pinard, moi j'aime ça. Et tes enfants tous les soirs, ils jouent les caïras. Et ton cousin qui crie à la wakba dans une mosquée radicale. La ziza, t'es venue avec ta smala pour prendre notre place. Mais tant que je serai là, tu ne passeras pas. En France, je veux pas ta charia. Oh, ton islam et ta langue, rien ne va. T'es ma croûte, j'en veux pas chez moi. Retourne là-bas, si tu crois que ta vie est là. C'est un très gros problème pour moi. Oh, la ziza, Inch'Allah, tu retournes à Rabat. Merci, merci à tous, allez voter dimanche! Alors, chers amis, nous revoici pour cette deuxième partie d'émission et on va discuter de la polémique de la semaine qui a impliqué une députée de la France Insoumise, le groupe, le mouvement, on va dire, en tout cas qui est mené par Jean-Luc Mélenchon, Danielle Obono, hein, franco-gabonaise, donc née au Gabon, qui s'est retrouvée dans une espèce de tir croisé entre les partisans de Mélenchon et finalement les gens de... J'ai presque envie de dire les Français de base, hein, pratiquement, vu les réactions, suite à ses propos, hein, sur le plateau, sur un plateau de télévision dans lequel, sur lequel elle a en fait maintenu ses positions en faveur d'une pétition qu'elle avait signée en 2012, si ma mémoire est exacte, au sujet de deux choses. D'abord, c'est un sociologue entre guillemets et un rappeur qui avait coup sur coup en fait produit à la fois un bouquin pour le sociologue et un titre de chanson pour le rappeur qui s'intitulait Nique la France. Alors la fille en fait, s'est vu poser la question. Vous avez signé la pétition Nique la France, en tout cas pour en faveur de ces deux individus pour qu'ils aient la liberté d'exprimer. Alors on écoute l'extrait sur le plateau de télévision et on se retrouve tout de suite après. La cocarde, tricolore, ouais. Députée de la République française. Vous allez avoir l'écharpe, ouais, aussi, ouais. Plus la petite médaille, la petite cocarde. Donc vous êtes député de la République avec l'écharpe bleu, blanc, rouge. Et vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson « Nique la France » du groupe ZEP. Ouais. Est-ce que vous, en tant que député, vous êtes fier d'avoir signé à cette époque la chanson ? Pour défendre la liberté d'expression de ces artistes, oui. Parce que ça fait partie des libertés fondamentales. Voilà, et que, y compris en tant qu'aujourd'hui député de la République, je défends les libertés fondamentales qui sont importantes. Donc Nique la France, ça ne vous choque pas? Enfin, moi, je la prends. Bah, ok, la liberté d'expression, d'accord. Ok, Charlie, oui, non, mais d'accord. Personne, non, mais Nique, mais voilà. La France, excusez-moi, je ne vois pas, oui, comment on peut soutenir la liberté d'expression, bah, écoutez, quand on veut rassembler dans une période où on n'a jamais été autant... On ne peut pas soutenir la liberté d'expression. Mais Nique la France, c'est pas de la liberté d'expression. Bah, si. Non. C'est l'État, aux citoyens, au peuple français. C'est le titre d'une chanson, et dans cette chanson, après, de deux choses l'une. Soit on décide titre que, voilà, on revient sur le droit fondamental, les libertés démocratiques, etc. Même quand ça nous plaît, enfin, parce que ça ne nous plaît pas, soit, voilà, il y a des droits et que les artistes ont la licence de pouvoir exprimer de manière créative, etc. C'est au nom de la liberté d'expression. Bah oui. On peut, on aime ou on n'aime pas. Après, voilà. Moi, j'aime bien le hip-hop, le rap, et pendant des années, toutes des générations ont aimé des groupes comme ce qui s'appelle NTM. C'était pas une. Voilà. Mais de là, que vous, avec votre poids politique, dites OK, je cautionne une chanson comme ça. J'ai pas dit que je cautionnais. Non. J'ai dit que j'assume le fait. J'assume le fait d'avoir défendu ces artistes quand ils ont été attaqués. Voilà, parce que ça fait partie, à mon sens, de la liberté, la licence créative qui est donnée, ouais. Et du fait qu'on est dans un pays heureusement encore démocratique où les gens, on peut dire, effectivement, il n'y a pas de crime de lèse-majesté ici, on n'envoie pas des gens à la Bastille parce qu'ils s'attaquent à l'autorité. Voilà, ils ne s'appellent pas à les tuer, aujourd'hui, qui, etc. Voilà, mais ouais, ça ne peut pas vous plaire, mais ils ont le droit de le dire. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France ? C'est pas pourquoi non, mais vive la France parce que c'est la démocratie, que vous êtes député de la République. Bah oui, j'en suis honoré. Vive la France, vous pouvez pas dire vive la France. Si, je peux dire vive la France, oui, mais vive la France pourquoi en soi, le 14 juillet. Hein. Alors, donc comment dirais-je, je précise quand même une chose, c'est que le fameux donc je fais un petit peu le topo en fait sur le pourquoi du comment, hein. Donc en 2012, comme je l'ai dit, il y a eu ce fameux bouquin du sociologue qui est sorti. Et ce sociologue, c'est un certain Saïd Bouamama, si je me trompe pas, me semble-t-il que c'est ça. Saïd Bouamama, en fait, qui est un des intellectuels, entre guillemets, du PIR, le Parti des Indigènes de la République. Et donc ce type est vraiment quelqu'un qui est animé, alors ça il faut vraiment le comprendre, c'est vraiment quelqu'un qui est animé par la haine raciale contre les Blancs. On n'est pas dans l'anticolonialisme ou je sais pas quoi, c'est la haine raciale contre les Blancs, pratiquement assumée. Donc quand il parle des Blancs, il dit « ils »,« eux », etc. Alors moi ça me va très très bien, parce que je préfère en fait finalement que les métèques mettent carte sur table et que, je veux dire, ils assument leur qualité de colons et d'agresseurs, donc c'est mieux quand ils le disent. Et donc en fait ils l'avaient fait, mais en fait c'est toujours la même chose, c'est comme c'est des hypocrites, ils n'osent pas s'assumer en tant que colons. Ils préfèrent, c'est plus gratifiant en tout cas au regard de la culture dominante actuellement, ils préfèrent se poser en victime. Donc en fait, ils agressent mais ils se posent en victime, ça vous rappellera probablement quelque chose, hein, c'est très très lié au monde sémitique ça. Et donc en fait, il commet un bouquin qui s'appelle Nique la France, et à l'époque, il avait été poursuivi, je crois, par une association en fait, je crois que c'était La Griffe, donc une association de défense de l'identité française a signé pour justement incitation à la haine raciale en disant, ben voilà, il veut niquer la France, il veut niquer les Français. Et un rappeur qui appartenait au Saïdou, c'est ça son nom, Saïd, bon je présume que c'est Saïd quoi, Saïdou de son surnom, du groupe ZEP, c'est-à-dire ZEP quoi, Zone d'Expression Populaire. Alors, lui, il avait commis un titre qu'on va écouter. Je vais donner juste un extrait pour nos auditeurs, comme ça, ils sauront de quoi il s'agit. Alors ça s'appelle Nique la France, c'est très clair. Alors c'est un concentré de tout ce que vous pouvez trouver chez les bolos du NPA, chez ces paillassons blancs du NPA qui sont à genoux devant les bougnoules et les nègres. Vous avez qu'à écouter un petit extrait, vous allez voir, bon, tout y est quoi. ZEP, Zone d'Expression Populaire, featuring Busta Robert, MC Jean-Pierre, 2010. C'est du lourd, gros. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé. Maintenant c'est formel, ça y est c'est confirmé, par voie ministérielle, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés, carte blanche pour les gros bofs qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels. Un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Ni la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ni la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ni la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ni la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Qu'est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants. Affligeant, l'évolution en 60 ans. Regarde à l'Assemblée, il y a des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leurs projets, quand tu cautionnes leurs saloperies, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes, ils adorent le couscous et Chetraled, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohamed. Fais pas ton étonné, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui n'ont jamais enlevé leur costume de colon. Le racisme est dans nos murs et dans nos livres scolaires, dans nos souvenirs, dans notre histoire, dont nous sommes si fiers, omniprésents. Il est banal et ordinaire, il est dans nos mémoires et impossible de s'en défaire. Ni la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ni la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ni la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ni la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Donc voilà, alors avant de continuer, je vais prendre les réactions de nos participants sur tout ça en fait, hein, sur cette prestation de Bono et de la France Insoumise. Parce que finalement, je vais m'autoriser une petite critique de Julien Rojdi. J'ai pas d'animosité particulière contre Julien Rojdi. Mais il avait commis un tweet en disant « Ah, Mélenchon... » Je crois que c'était à l'occasion de cette affaire, d'ailleurs. Il avait dit « Ah, Mélenchon... » Il était pas mal durant la campagne, il avait parlé de la France, machin, etc. Et là, il est tiraillé, il prend la défense de quelqu'un qui déteste la France. Quelque chose de cet ordre. Et je me suis dit, Rojdi est vraiment naïf, quoi. Je veux dire, Mélenchon, son parcours politique... Son parcours initiatique, même, à titre personnel. Son parcours de vie, oui. Oui, son parcours de vie, c'est bien résumé. En tant que, d'abord, trotskiste, bon, très court, 2 ans, mais ça donne le ton. D'abord, il est né en Algérie. Voilà, hein, c'est ça. Voilà. Non, il est né au Maroc, je crois. Ah, oui, pardon. Donc, Maroc, obsédé par le Maroc, obsédé par la ville cosmopolite de Marrakech, si ma mémoire est exacte. Je ne sais pas si c'est Tanger ou Marrakech, j'ai oublié. Trotskiste, une fois rapatrié en France, Mélenchon s'est exprimé très clairement sur ce qu'il a ressenti quand il est arrivé en France. Bah d'ailleurs, je vous en donne un extrait. Je vous en donne un extrait de ce qu'il a dit quand il est arrivé en France, ce qu'il a retenu. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. Je suis né à Tanger, j'y ai vécu les 11 premières années de ma vie. Ma famille était des gens qui venaient d'Algérie. C'était des gens très simples, hein, de modestes, nous ne sommes ni des colons ni des milliardaires. Ma mère a été institutrice, elle n'a pas été tout le temps, mais elle l'a été. Mon père travaillait dans la radio-télécommunication, il y avait une station au Soigny à Tanger, puis ensuite à la sortie de Tanger, il en a été un fondateur. Donc toute mon enfance est traversée de l'image de cette ville extraordinaire, où il y avait toutes les nations du monde. On se promenait sur le boulevard, vous aviez un sikh avec son turban. Il y avait des Grecs, des Maltais, des Rifis qui venaient avec les chapeaux, vous savez, tout ça. Là, bon, et je crois que ça m'a donné un pli. Alors maintenant, vous savez, en vieillissant, on durcit les traits de caractère. Je ne supporte plus de vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Donc j'habite à Paris, dans le 10e arrondissement. Je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Donc quand on est arrivé en France, c'était l'horreur pour nous, parce qu'on avait idéalisé la France. Et on a découvert un coin perdu de la Normandie, le pays de Caux, où les gens n'avaient jamais vu personne. où, hélas pour eux, les malheureux souffraient d'un alcoolisme épouvantable. Moi, de ma vie, je n'avais vu quelqu'un ivre dans la rue. Imaginez, au Maroc, ça n'existe pas, ça. Donc, nous étions consternés. Hein. Et donc, et personne ne parlait aucune espèce de langue étrangère. Imaginez-vous, c'est la France des campagnes était extraordinairement arriérée par rapport au Maroc des villes. Casablanca était une ville plus moderne que Clermont-Ferrand. Hein, les gens ne se rendent pas compte de ça, mais c'était comme ça à l'époque. Et nous non plus, on ne s'en rendait pas compte. Donc, on ne parle plus la langue. Tchouf, elle disparaît. Et dans le militantisme politique, je suis amené à reparler espagnol. Alors, j'avais le vocabulaire d'un gosse de 11 ans. Donc, c'est en lisant vite les journaux, les tracts, les machins, que j'ai réintégré le vocabulaire. Mais l'arabe, quel arabe j'avais appris, moi ? L'arabe de mon copain, à la sortie de Tanger, de quoi on parlait ? De pièges à moineaux, des chardons qu'on épluchait, des trucs de gosse, quoi. Mais absolument inutilisables dans la vie d'un adulte, vous voyez ? Bon. Alors, je pense que c'est comme ça que moi, j'ai perdu le peu d'arabe que j'avais appris, ce qui est ma grande honte, parce que mon père parlait l'arabe. Ma grand-mère parlait l'arabe, alors il faut vous représenter une scène que je vous raconte pour vous faire rire, mais mon père et ma grand-mère, en train de, comment dire, de se parler un peu vivement, dans une maison de retraite en Ariège, en arabe. Bon, voilà, donc c'est ça, c'est sa filiation. Donc trotskiste, il vient de ça, il arrive en France immédiatement, littéralement, même un réflexe de haine raciale contre les Blancs. Franc-maçon du Grand Orient. Socialiste pendant des décennies, sous Mitterrand, sous Jospin, quelqu'un qui a validé dans toutes les politiques qui ont été menées. Comment croire un instant que quelqu'un comme ça, si vous voulez, je veux dire, que quelqu'un comme ça puisse avoir une fibre patriotique ? C'est une escroquerie totale. Je veux dire, lui, ce qu'il retient de l'histoire politique française, ce sont tous les éléments cosmopolites. Donc c'est pour ça qu'il exalte la Révolution française, en fait. C'est pour lui, ce qui est intéressant de la Révolution française, c'est le moment où, finalement, le virus communiste internationaliste commence à prendre dans un pays européen de tradition, et qui commence à détruire la religion chrétienne, à abattre les structures traditionnelles, etc. Et donc c'est lui qui porte à l'Assemblée Obono. Hein. Donc voilà, quand j'ai vu la réaction de Rojdi, ça m'a un petit peu surpris. Mais enfin bon, passons. Argyle, j'ai envie d'entendre ta réaction sur cette déclaration de notre entre guillemets, mais enfin c'est quand même la réalité, notre compatriote, de notre compatriote Daniel Obono, que nous affectionnons particulièrement. Bah, il y a quelques années encore, si quelqu'un avait déclaré ça au Parti communiste, je suis sûr qu'il serait excusé en disant bon, qu'elle a été mal compris, mais là elle assume avec arrogance. Il faut voir l'extrait de l'émission à la télé, elle est arrogante, et c'est surtout qu'elle a dû avoir la bénédiction de Jean-Luc Mélenchon, qui lui est le métèque en puissance, qui veut clairement la destruction du peuple français, de notre identité nationale. Donc voilà, on est dans une autre phase, on est avec une Africaine, une Gabonaise arrogante qui dit clairement qu'elle nique la France, donc c'est-à-dire qu'elle défèque sur la France, c'est-à-dire que voilà, on est là pour niquer les Français, que Jean-Luc Mélenchon, à la tête d'un groupe parlementaire, hein, je crois, et donc lui aussi assume tout à fait ses propos. Alors je veux t'inviter à réagir sur le fond, en fait, c'est-à-dire sur la chanson. Parce qu'en fait, la chanson en question, qui s'appelle « Nique la France », qui dit, voilà, « Nique la France et son passé colonialiste », qui vomit sur les bidochons, comme on les appelle, en mettant en scène, d'ailleurs, parce que c'est un clip musical où on met en scène deux Blancs, enfin, qui sont vraiment, eux, ils sont atteints du... Ils sont en phase terminale des domasochismes, ils sont finis, quoi. Et qui dégueulent comme ça, avec en arrière-fond l'arabe, avec son kéfié palestinien, qui rigole, et on le voit, il est rigolard derrière, ça l'amuse de voir deux Blancs en train de vomir sur leur propre peuple, alors que jamais vous verrez un arabe vomir sur les arabes. Ça n'arrive jamais, ça vous voyez pas... Enfin, je dis pas, c'est pas qu'il n'y a pas de critique, mais vous verrez jamais un arabe à kéfié vomir sur le monde musulman ou le monde arabe en disant « Mais regardez ce peuple de pouilleux, etc. » Tu vois, en chanson en plus, quoi, donc ça n'existe pas. Donc... sur le fond de la chanson, qui est en fait une espèce de manifeste dans lequel se reconnaît Obono, qui a motivé la signature de cette pétition en défense de ce chanteur et de Boimama, donc l'intellectuel, entre guillemets, des indigènes de la République, et qui fait qu'elle a refusé, effectivement, de se dédire. C'est ça que je veux souligner et j'aimerais que tu réagisses là-dessus, précisément. Bah, sur cette magnifique chanson et puis ce magnifique manifeste également, bah, voilà, elle a refusé de se dédire parce qu'elle assume totalement ce qui est dit, elle assume totalement cette volonté de se foutre, de railler cette France franchouillarde, de bidochon, comme tu le disais. Ça, c'est ce qu'ils veulent voir totalement disparaître. Ils sont dans une optique de conquête et de destruction totale de notre identité. Et ce soutien n'est pas étonnant, puisque qui va lui reprocher? Puisque là, actuellement, personne ne va reprocher à ces gens. Bon, je crois qu'il y avait eu une condamnation, il y a Ourya Boutelja, je crois qu'elle a été condamnée, mais à pas grand-chose, il me semble, avec l'histoire des sous-chiens. Elle a été relaxée. Oui, elle a été relaxée, mais je me demande s'il n'y a pas eu une condamnation qui a été annulée, peut-être. Enfin, il n'y a pas eu grand-chose. Par contre, je suis certain que si moi, demain, publiquement, je parle de sous-singe en parlant des Noirs, ou je dis « nique les bougnoules », je suis persuadé que là, la justice va s'emparer très rapidement de l'affaire et que je vais méchamment morfler. C'est-à-dire qu'en France, on ne peut plus avoir la moindre réaction identitaire, même avec des termes peu châtiés. En revanche, l'étranger peut nous dégueuler dessus, dire clairement qu'il veut presque notre mort, parce que nique la France, c'est pas voilà, c'est niquer la France. Voilà, là, c'est, on comprend bien qu'il s'agit de niquer les Français. Le coup de machette n'est pas très loin. On en est à ce point-là. Mais de toute façon, pourquoi se gênerait-il, puisqu'il ne risque rien? Les seuls qui risquent quelque chose, ce sont les Français qui ne veulent pas baisser la tête, qui ne veulent pas courber les chines, qui s'opposent à ce genre de propos absolument insupportables. Alors ça, c'est bien observé, ça, cette histoire de poids, de mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les cours de justice françaises ne persécutent en réalité que... pour ainsi dire, que les Français de souche qui ont des réflexes d'autodéfense, quoi. Donc ceux qui protestent en fait contre le phénomène énorme qui se déroule, qui est leur submersion par l'invasion migratoire, africaine, musulmane, orientale en règle générale, avec les déprédations qui vont avec, c'est-à-dire la criminalité, le djihadisme et tout ce qui s'ensuit, eux ne peuvent pas protester. Ils ne peuvent même pas, d'abord ils ne peuvent pas nommer le problème, sous peine évidemment d'être ostracisé par les médias et par la bonne société. Et pire que cela, si jamais ils protestent vraiment de façon visible, eux, ils seront traînés en justice. D'ailleurs, je crois que Éric Zemmour a récemment été encore condamné pour avoir dit qu'il n'existait pas de musulmans non radicaux. Bon, voilà, ça lui a été interdit. Et combien d'autres, hein, combien d'autres. Mais... effectivement, on peut, en France, avec l'aval des tribunaux, dire « nique la France », c'est-à-dire « détruisons ce pays », et ensuite, quand on va dans le contexte, nos auditeurs ont entendu le contenu du texte, c'est de la haine raciale, c'est, alors avec la caution morale, je veux dire, de l'opprimé, je veux dire, en quoi ces gens qui sont en France, volontairement, je veux dire, on leur impose, c'est ça la différence avec le colonialisme, ces gens sont en France, ils le sont volontairement. Ils sont volontaires, ils ont pour la plupart la double nationalité, cette députée est gabonaise, c'est-à-dire, si c'est un enfer la France, elle peut très bien quitter la France et retourner au Gabon, mais elle est élue, et c'est l'hypocrisie de tous ces gens-là. C'est qu'en fait, ils se gavent ici, ils se plaisent ici, mais ils veulent en plus avoir le beau rôle, et ils veulent pouvoir utiliser cette imposture morale pour se poser en victime. Donc en fait, ce sont les oppresseurs qui se posent en victime et qui retirent les fruits de ce misérable commerce, pendant que les Français de souche qui subissent au quotidien cette invasion ne peuvent pas protester et n'exploitent absolument rien, puisqu'en plus ils sont progressivement écartés des décisions, c'est-à-dire en tant que Français de souche conscients et nationalistes. Alors effectivement, il y a des Français de souche en responsabilité, mais ces gens-là sont des traîtres par construction. Et c'est si vrai. Vas-y, Derek, et ensuite je précise, parce qu'il y a quand même une relaxe sur l'affaire de Nick La France. C'est-à-dire que Bouamama, donc l'idéologue du Parti des Indigènes de la République, qui est un raciste anti-blanc. Je veux dire, on ne parle pas juste d'un gauchiste ou d'un bougnoule gauchiste. C'est un raciste anti-blanc, hein, qui s'assume pratiquement. Il a été relaxé, tout comme a été relaxé le rappeur. Je te laisse parler, ensuite je précise cette histoire de relax. Ouais, pour revenir un petit peu sur Obono, là, enfin, ouais, je ne sais plus exactement le nom de l'animal. Tous les politicards élus, les Noirs, les Arabes, qui ont eu des places, à chaque fois, ça a été pour nous gratter du pognon au blanc, enfin, pour nous emmerder, quoi, hein. C'est Taubira, enfin, c'était quand même le top du top. L'autre, là, comment elle s'appelle, Belkacem, avec la foutue de l'anciennement de l'arabe partout, enfin bref, c'est... À chaque fois, ils avancent leur pion tranquillement, sous couvert de progrès, etc., etc. Bah, c'est-à-dire que ces gens-là sont dans une rapine ouverte, ils volent. Voilà, ouais. Et puis ils ont le sourire, quoi. Ils se voient, ils sentent que ça rentre, de toute manière, les Français sont mûrs, quoi. Oui, c'est totalement. Porovitch, tu voulais réagir? Tu voulais dire un truc? Ouais, j'ai été très interpellé par le langage corporel de cette négresse, la Bonobo. Plus que par ses paroles, en fait. Elle a un tic comme ça que je vois souvent chez les femmes nègres. C'est le menton relevé, comme ça, l'espèce de fierté de singe. On sent bien le cul à deux chiffres, ça m'a fait beaucoup rire. Je voudrais ajouter à ça que, franchement, la France insoumise mérite bel et bien quand même qu'on leur vomisse sur la gueule. Mélenchon a fait, pendant sa campagne, il avait un peu des accents un peu nationalistes, c'est son côté tribun. Hein. Bon, il a peut-être pu faire croire qu'avec lui, voilà, certains excès allaient être redressés. Non, c'est pas du tout le cas. Le mec a complètement valide la négresse qui nous insulte. Bon, c'est vraiment ces gens-là, ils vraiment... Comment dirais-je ? Moi, je vais vous donner la réaction officielle de Mélenchon. Comme ça, vous saurez de quoi il retourne. Il a fait un communiqué sur Internet, c'est ce qu'il a dit. Suite à l'intervention d'Alexis Corbière sur RMC en droit de réponse pour ce qu'a subi Daniel Obono, donc Daniel Obono a subi, hein, je suis allé voir la page Facebook de RMC sous l'intitulé de l'émission « Ça dit, vous êtes forcément au courant de la polémique qui est née mercredi au GG, on continue d'en parler. On y lit des centaines de commentaires avec pour certains nombreux une haine, une violence et un racisme atroce envers Daniel Obono mais aussi Alexis Corbière. » On se demande pourquoi il n'a pas du tout une tête de métèque, Corbière. Ah, pas du tout. C'est un regroupement de haineux d'un racisme totalement décomplexé. Je pense qu'il faut faire suivre ou prendre connaissance, si ce n'est déjà fait, et soutenir autant que possible, et sur tous les supports, Daniel Obono contre la meute. Donc, Français qui m'écoutez et qui nous écoutez, vous êtes une meute. Il est inouï de voir un média provoquer délibérément le déclenchement d'une telle vague raciste. Jean-Luc Mélenchon. Ah, ça, c'est magnifique. Alors, Mélenchon explique qu'en fait, c'est une cabale raciste montée par RMC contre Daniel Obono, la Gabonaise, qui, alors, elle, du tout, est exempte absolument de toute haine et de toute intention raciste à l'égard des Français. C'est l'évidence. Alors, ça, c'est la réaction officielle, hein, de Mélenchon. En fait, il dit « contre-attaquons », etc. Il n'y a aucune réaction sur le fond. Il esquive. Il dit juste à ses supporters « on y va, c'est un complot médiatique pour attiser en fait, la démagogie raciste au sein des masses ». Si vous voulez réagir quelque chose, ensuite je reviens sur le procès, je vais vous donner parce que la conclusion du procès contre Bouamama, le bougnoul du NPA et du pire, et le rappeur vaut son pesant de cacahuètes. Macdav, ouais, vas-y. Oui, alors je cite la fiche Wikipédia de la négresse en question, qui est hagiographique. Alors, oratrice nationale de la France insoumise, elle est élue députée, alors en fait elle vient de la circonscription de Daniel Vaillant, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur de Jospin, qui était une saloperie de gauchiste. Il a la goutte d'or, lui, non ? Excuse-moi ? Il gère le secteur où il y a la rue Mira, lui, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. Il s'est fait connaître grâce à ça, exactement. Donc elle est, devinée, bibliothécaire. Donc on lui a donné, en fait, une place, hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. De dire bibliothécaire dans une bibliothèque, une médiathèque municipale, ça veut dire on t'a filé un poste parce que tu es une belle négresse. Pas belle. Belle. Dire là-dessus. Donc elle se revendique marxiste, altermondialiste, afroféministe, anti-impérialiste, anti-raciste et à la fois internationaliste et panafricaniste. Enfin, quand t'as un combo comme ça, tu peux être certain, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est juste anti-blanc. C'est tout. C'est tout. C'est une putain de raciste, donc elle a le droit, hein. Je veux dire, nous aussi, nous le sommes, ça ne pose pas de problème. Mais ce qui est génial, c'est que tout est en négatif chez elle. C'est-à-dire que quand elle dit quelque chose, il faut comprendre exactement l'inverse. Elle est contre le racisme et la discrimination, faire vivre l'égalité. Alors ça, c'est un numéro qu'elle a sorti dans une revue à la con, qu'elle a écrit en collaboration avec un philosophe qui, à mon avis, est juif. Mais il faut comprendre exactement l'inverse de tout ce qu'elle dit. C'est-à-dire que quand elle se proclame pour la liberté d'expression, c'est pour la liberté d'expression des nègres. Parce qu'évidemment, nous, nationalistes blancs, qui n'avons pas envie de vivre en Afrique au milieu d'Africains, la discrimination, c'est pas pour nous. Hein. Et la liberté d'expression, encore moins. C'est l'évidence, effectivement. Quelqu'un d'autre, toute liberté, hein, qui veut réagir? Je vous invite à regarder les photos de l'animal en question et d'estimer la taille du cerveau. J'essaie de voir, hein, par rapport aux os, les yeux, ou comment c'est placé. Ah, ça c'est du... Allez, je vais être généreux. Elle est sur du 90, quoi. Elle est à 15 points au-dessus de la moyenne de congénère. Je regardais la capacité crânienne, c'est surprenant. Hein. Alors, je cite donc la conclusion du procès en question, de la fameuse affaire Nique la France, qui avait été, où le sociologue, le rappeur, avait été poursuivi en justice par une association patriotique française, estimant que Nique la France était un appel à la haine. Voici les conclusions. Ça, c'est la source. Attendez que je vous la donne quand même, la source, que ça puisse... Voilà, c'était sur BFM TV à l'époque, déjà. Alors, attendez, hop. Un rappeur et un sociologue avaient publié en 2010 un livre et un CD au titre commun « Nique la France ». Accusés de racisme anti-blanc par une association, ils ont été relaxés ce jeudi. La justice a rejeté de facto le concept de Français de souche. Ils étaient attaqués pour racisme anti-blanc, ils ont été relaxés. Les Français blancs dits de souche ne constituent pas, je cite les conclusions du tribunal, un groupe de personnes au sens de la loi française, a estimé ce jeudi le tribunal correctionnel de Paris, relaxant par la même occasion un rappeur et un sociologue accusés par une association de racisme inversé. La 17e chambre estime, dans une décision consulté par l'agence France-Presse, que la notion ne recouvre aucune réalité légale, historique, biologique ou sociologique, que la blancheur ou la race blanche n'est en aucune manière une composante juridique de la qualité des Français et que les Français blancs dits de souche ne constituent pas un groupe de personnes au sens de la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui régit principalement à la liberté d'expression. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est-à-dire que les blancs n'existent pas. Voilà. Mais par contre... Comment ils ont dû se contorsionner pour pondre cette merde, cette déduction complètement merdique. C'est impressionnant quand même comment ils ont dû se triturer le cerveau pour sortir ce pont de cet étron. Et là, vous avez affaire, comment dire, au Sanhédrin qui gère la magistrature française, mais c'est authentique. Donc, les Français blancs, ça n'existe pas. Alors, par contre, si vous dites que les Français noirs sont moins que de la merde, machin, rassurez-vous, vous serez poursuivi, condamné et condamné durement. Mais là, c'est un exemple, quoi. Donc, ces gens, et avec une décision très claire, quoi, comme vous l'avez entendu, ont été relaxés. Le propos est limpide. C'est une haine qui ne se cache pas, qui ne se dissimule pas. Ce sont des gens... Moi, ça me va très bien, je répète. Hein. Je suis pas comme les nègres, comme les bougnoules ou les autres, en train d'avoir, comment dirais-je, des spasmes parce que des bougnoules ou des nègres nous détestent. Moi, ça me va très très bien. J'aime bien quand on me parle franchement. Mais de faire passer ça pour, la légitime expression d'une lutte anti-impérialiste, anticolonialiste, etc., quand ces mecs sont en train de squatter chez les blancs, je trouve ça juste fascinant. Et ça, à l'aval des tribunaux, hein, Qui veut... ajouter quelque chose à ce débat, à cette discussion qu'on a sur Daniel Obono et cette France insoumise là qui... Argel, tu nous as parlé hein, de cette arrivée triomphante, triomphale des élus de Jean-Luc Mélenchon au sein du Parlement français, enfin de l'Assemblée nationale. Ça t'a marqué. Ça valait son pesant de cacahuètes. Une bande de marlous, tu sais, à l'ancienne, là, il arrivait, on aurait dit vraiment, tu vois, une bande de gitans qui viennent piquer l'argenterie, quoi. Il avait, avec son air, parce que c'est un homme de spectacle, hein, il était, voilà, toujours très théâtral, il était là avec ses... Mélenchon, avec ses hein, derrière Mélenchon. Lui, et puis il cherchait des yeux quelqu'un pour faire un scandale, l'air un peu mauvais, le menton un peu levé, là... L'air mauvais, l'air de dire, viens, on va aller chier dans la soupière, quoi. Tu vois, le côté un petit peu mauvais, bad boy, quoi, qu'il essayait de faire. Et ce qui est certain, c'est qu'au sein, au sein des autres parlementaires, il ne trouvera personne pour, par exemple, interpeller Bonobo dans le couloir pour la traiter de saloperie anti-française, ni même de lui dire le traiter de métèque stalinien qu'il faut renvoyer à Marrakech en charter. Enfin, à mon avis, s'il y avait des députés nationalistes dignes de ce nom, je pense qu'il faudrait faire trembler ce genre de pourriture dans les couloirs. Et là, ils se pavanaient dans les couloirs, parce que c'est qui va s'opposer à eux, les bonnes femmes décérébrées élues. Parce que là, il y a un beau cheptel aussi chez En Marche. Là, il y a un florilège, d'ailleurs, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet de bonnes femmes qui ont été élues. On ne sait même pas où est-ce qu'ils ont été les chercher. Et en face de ça, il y a quoi ? Des quelques élus républicains, et il y a aussi les élus FN. Il y a Maître Collard, il y a Marine Le Pen, et quelques homosexuels, et le concubin séfarade de Marine Le Pen. Donc c'est certain qu'au sein de cette assemblée, Mélenchon va pouvoir faire le cador, va pouvoir faire de la provocation qu'il aime faire, puisque tous les autres, de toute façon, seront dans une optique de ne surtout pas, en particulier les élus FN, qui font semblant de s'offusquer ou qui commenceront leurs interventions en disant « nous qui ne sommes pas racistes » ou ce genre de choses. Donc à mon avis, la bonobo va pouvoir se déchaîner dans l'Assemblée, aider, on va dire excité par son dresseur Jean-Luc Mélenchon. Je vois tout à fait ça comme ça. Là, d'ailleurs, dans la chanson « Nique la France » du rappeur Saïd, à un moment, ils disent l'assemblée où il n'y a que des culs blancs. Donc, c'est avis aux parlementaires. Hein, ah oui, c'est tout à fait significatif. Oui, oui, qui vont déballer, enfin, qui vont être, qui vont même peut-être se porter au secours de Bonobo. Hein, ils sont sur la liste. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire profiter d'un discours là de Ouria Boutadja, qui pour moi est. Pour moi, c'est presque une amie. Je la considère pratiquement comme une amie, tellement je la trouve constructive. Elle est constructive. Voilà enfin quelqu'un de constructif et qui est très proche de Bouamama. Hein. Alors voici ce qu'elle dit pour vous donner un peu la philosophie quand même qui guide tous ces gens, enfin toute cette tribu ou ce cheptel, je ne sais pas bien. Alors, c'était... je n'ai plus la source précise, mais c'est vérifiable. Hein, vous n'aurez pas tellement de difficultés à le trouver. Elle déclare « Demain, la société tout entière devra assumer pleinement le racisme anti-blanc. Et ce sera toi, ce seront tes enfants qui subiront ça. Celui qui n'aura rien à se reprocher devra quand même assumer toute son histoire depuis 1830. » Début de la colonisation de l'Algérie. Hein. N'importe quel blanc, le plus antiraciste des antiracistes, le moins paternaliste des paternalistes, le plus sympa des sympas, devra subir comme les autres. Parce que lorsqu'il n'y a plus de politique, il n'y a plus de détails, il n'y a plus que la haine. Et qui paiera pour tous ? Ce sera n'importe lequel, n'importe laquelle d'entre vous. C'est pour cela que c'est grave et que c'est dangereux. Si vous voulez sauver vos peaux, c'est maintenant. Les indigènes de la République, c'est un projet pour vous. Cette société que vous aimez tant, sauvez-la maintenant. Bientôt, il sera trop tard. Les Blancs ne pourront plus entrer dans un quartier comme c'est déjà le cas des organisations de gauche. Ils devront faire leurs preuves et seront toujours suspects de paternalisme. Aujourd'hui, il y a encore des gens comme nous qui vous parlons encore. Mais demain, il n'est pas dit que la génération qui suit acceptera la présence des Blancs. Ben voilà. Ah ben c'est tout est dit quoi. C'est vrai qu'elle est comment dire. Au moins elle est honnête. Ah ben elle est honnête. Mais oui, l'égalité et la réconciliation. C'est la stratégie typique hein, de ces musulmans, c'est-à-dire qu'en fait là, elle fait semblant de vous tendre, de nous tendre une main. En vérité, il s'agit de menaces. Hein. C'est-à-dire, vous nous donnez ce que nous voulons tout de suite, sinon on va vous faire la peau quoi. Hein, c'est typique du musulman. Oui, c'est, mais ça, c'est comme des peuplades qui pratiquent la razzia depuis des siècles et des siècles. Alors je précise, avant de donner la parole à Captain, qu'elle se définit, ou il y a peut-être déjà, comme une musulmane fondamentale. Bon. Fondamentalement raciste. Captain. J'allais dire, c'est comme Malek Bouti, hein. Souvenez-vous, devant Philippot, sur je ne sais plus quel plateau télé, il y a quelques années, qui disait qu'il n'y a jamais, il se laisserait... mettre sur une liste de gens éventuellement à renvoyer quelque part et qu'il menaçait les Français de souche de guerre civile, quoi. C'est tout. T'as pas plus loin. Mais là, là, Boutelja a franchi un palier et nous le dit encore un peu plus cash. Mais c'est très bien. Oui, c'est très très bien, effectivement. Quelqu'un d'autre, Argyle, sur ce propos très lumineux de Ouria Boutelja, qui, comme je le dis, hein, est une très proche hein, de Saïd Bouamama, qui figurait dans cette affaire de Nique la France, et qui donc a été défendu par Daniel Obono. Non, parce que, il faut expliquer quand même à ceux qui nous écoutent à quelle sauce ces gens prétendent les manger. Moi, je suis assez tranquille de ce côté-là, parce que ce sont quand même des nègres et des bougnoules. Enfin bon, il faut quand même qu'ils sachent à quelle sauce ils vont être mangés. Argyle, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Bah écoute, moi je rejoins l'avis là du collègue qui s'exprimait juste avant, qui dit que c'est très bien, c'est que je suis tant que ça peut éveiller les blancs qui sont encore complètement léthargiques face à cette invasion conquérante, c'est bien. Moi, un noir qui va dire à la télé on veut tuer tous les blancs. Un maghrébin haineux qui dira clairement sur le Coran je veux décapiter tous les infidèles, pour moi ça permettra de réveiller nos compatriotes parce qu'on en est là. Je crois que ceux qui avancent non masqués, qui ne pratiquent pas la taqiyya ou très peu, ça peut aider au réveil de nos compatriotes qui, je crains, vont s'apercevoir seulement qu'on est en état de guerre une fois qu'ils auront le couteau qui commencera à leur découper la gorge, car malheureusement, voilà, on est avec des compatriotes formatés. Par contre, encore plus ceux qui sont en responsabilité ou qui sont qui ont des postes importants. On parlait de ce couple tout à l'heure d'universitaires qui découvrent la promiscuité avec un camp de Rome. Et bien malheureusement, beaucoup de Français, en particulier ceux qui ont des postes importants, ceux qui ont des moyens importants, sont tellement déconnectés de la réalité de chaos racial qui règne partout, que plus il y aura d'électrochocs qui seront... parce que voilà, vous connaissez la psychologie des Africains ou des Maghrébins, qui est basée sur la domination bestiale, sur l'humiliation de l'autre... Et c'est sûr que plus ils sont arrogants, plus ça crée un instinct de survie, même chez les éléments qu'on pourrait penser les plus collaborateurs, les plus soumis. À un moment, il y a quand même un instinct de survie, et je pense que plus il y aura ce type de déclaration, plus elles seront médiatisées, plus elles seront mises en avant, plus ça réveillera des consciences, parce que il va bien falloir avoir un minimum de soutien populaire pour faire progresser nos idées nationalistes et nos idées de résistance nationale. Parce que même, ce qu'on peut dire aussi à nos auditeurs, il ne faut pas croire qu'on pense que tout est perdu, même si on rit, on prend ça beaucoup au second degré, on rit de cette invasion, on est clairement d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose et qu'on va faire quelque chose avec nos compatriotes les plus lucides. Il est hors de question de se laisser bouffer par ces cannibales, se laisser décapiter par ces islamistes tarés. C'est hors de question. Ça ne reste quand même que des Afro-Maghrébins au QI bien inférieur à 100, qui sont absolument incapables de commettre des attentats, on va dire, significatifs, puisque c'est, voilà, c'est le type, celui qui est complètement ridicule, qui est allé se taper avec sa bagnole dans les gendarmes en croyant faire exploser avec sa bonbonne de gaz pour qu'il y ait une fumée jaune qui sorte de la bagnole, on aurait dit un sketch de Mr. Bean, quoi. Et on voit, là, à Bruxelles, il arrive à se faire sauter sans faire de victime. Enfin bon, on a, heureusement qu'on a quand même affaire à des gens comme ça, qu'on n'a pas affaire à, voilà, je pense à une peuplade qui est très très bien organisée en Europe et qui avait l'habitude d'être très très efficace pendant les guerres, au moins pendant les deux guerres mondiales. Heureusement qu'on n'a pas affaire à des gens comme ça, parce que là, on se ferait massacrer. Enfin, je veux dire, ce ne serait pas des attentats où il y a un mort, dont le kamikaze. Donc, il faut bien savoir, bien se mettre en tête qu'on a affaire quand même à ceux qui veulent nous conquérir, sont quand même des gens qui sont absolument incapables de développer leur propre pays, d'avoir ne serait-ce qu'une armée, une véritable armée qui ne fasse qu'autre chose que des razzias et des massacres. C'est-à-dire que ce sont des armées, les armées arabes, les armées africaines, bon voilà, c'est massacrer des femmes et des enfants à coups de machette, faire des exécutions publiques, mais ce n'est pas véritablement se battre. Mais par contre, encore faudrait-il que nos compatriotes aient conscience qu'il faut se battre. Il ne faut pas croire qu'avec l'armée qu'on a, avec 30% de musulmans, avec un effectif particulièrement réduit et tout envoyé sur des opérations extérieures, on pourrait remettre de l'ordre en France si les musulmans décidaient de s'armer, même pour faire quelques escarmouches. Donc il faut, voilà, faut réfléchir à tout ça et se préparer à combattre, parce que ça ne se fera pas tout seul. Mais voilà, malgré le fait qu'on présente un tableau assez apocalyptique de la situation française et européenne dans cette émission, il faut savoir que, enfin, je l'espère pour tous ceux qui sont là, qui interviennent, que nous sommes également en faveur d'un redressement national et européen, et même occidental, face à cette invasion de Metek. Ah oui, j'en suis absolument convaincu. Qui d'autre sur cette oui, bah sur en fait finalement sur cette entrée du Parti des Indigènes en fait au Parlement, parce que c'est ça en fait hein, le fond du dossier, hein. C'est ça, hein. C'est voilà, c'est le pire est entré au Parlement. Et il est rentré comment? Par la grâce des gauchistes, voilà voilà. Pas n'importe lesquels d'ailleurs, Mélenchon, hein, voilà c'est. Imaginez l'entrée de démocratie participative au Parlement. Bah mais nous n'attendons que ça. Nous n'attendons que ça, mais j'ai bon espoir. Nous, on aurait eu la politesse d'amener des tam-tams. Hein. Ouais, et du Wagner, peut-être. Député aussi, hein. Non, mais Louis Alliot, je crains qu'on soit député, qu'on puisse s'exprimer au moins une fois, mais que ça s'arrêterait là. Quoi. Je crains qu'on soit peut-être même interpellé voilà. Pendant notre première prise de parole, c'est bien possible. C'est ça. Bah, peut-être, je sais pas, peut-être que le groupe Front National, tout d'un coup, métamorphosé, se mettrait à défendre les Français de souche. Oui, voilà. J'ai un peu de mal à y croire. Défendre les droits des homosexuels, je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais les Français de souche, c'est autre chose. Oui, oui, ne distinguons pas l'égalité, la République est une et indivisible, tout comme le genre humain, et finalement, tout comme les habibs. Bon, chers amis, si... Je vous offre un tour de table éventuellement si vous avez envie de rajouter quelque chose, peu importe, sinon on se sépare. D'accord. Il faut tuer les blancs et nous empêcher de prendre leur eau et de nous baigner dans des poubelles transformées en piscine. Je dis ça parce que j'ai juste tombé sur une vidéo, tu vois les nègres et les boucaques, remplir une benne et la transformer en piscine. Tout va bien, au calme. Ah ouais, j'ai vu des photos aussi où ils étaient dans des poubelles remplies d'eau, c'était rigolo. Bah, ils sont à leur place, hein, finalement. Bah écoute, ils ont trouvé leur cabine pour la remigration, c'est parfait. Non mais c'est même pas un sketch, quoi, c'est même pas des blancs racistes, horriblement nationalistes ou fascistes qui les mettent dans des poubelles, c'est eux-mêmes tout seuls, de leur propre chef, qui comprennent où se situe leur place, quoi. Et ils ont le sourire, ils ont l'air tellement heureux. Franchement, rendez leur service. Ah bah ils sont heureux comme des déchets dans une poubelle, quoi. À la semaine prochaine, chers amis. À plus. À plus. Be prepared to enter a world stranger than you have ever imagined. The world of witchcraft, magic, and ritual. We'll be right back. suis désolé, on a génocidé pour moins que ça. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a génocidé les juifs alors qu'ils n'avaient rien fait, hein, officiellement. Lol. Ah, t'es con.